23h12, c'est Marion et Anso, le Night Show. Qu'est-ce qu'on kiffe ce son, Major Lazer sur Fun. Et là, on va parler des scandales de stars, puisque vous le savez, Kim Kardashian, ça a fait le tour du monde. Elle s'est fait braquer à Paris, la pauvre. Oui, c'est un scandale. Ah, ça, l'histoire, elle s'est fait ligoter. Ils lui ont pris pour 9 millions d'euros de bijoux. C'est juste énorme. Je crois qu'elle est pas mal traumatisée par tout ça. Oui, il y a moyen, elle est rentrée direct aux États-Unis. Bon, c'est dur. En plus, ça fait mauvaise presse pour la France. C'est pas cool. Mais du coup, ça nous a inspiré ce sujet. Quel est le scandale de star qui vous a le plus marqué? Ça peut être une star récente. Je sais que Justin Bieber, il y a eu pas mal de choses récemment. Ça peut être un truc plus ancien. Appelez-nous 01 42 48 5000. Anso, toi, c'était quoi? Moi, c'était il y a longtemps. C'était en 1995. J'avais 12 ans. Et c'était Hugh Grant qui s'était fait faire une fellation à Los Angeles par une prostituée. Oh, oui. Et en fait, je m'en souviens très bien parce que j'avais lu ça dans la presse. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à ma mère ce qu'était une fellation. Hugh Grant, c'est celui qui joue notamment dans Bridget Jones pour les plus jeunes. Ouais, Coup de Foudre à Notting Hill, tout ça. Et à l'époque, évidemment, c'était un mec marié, non? Oui, il était marié avec une actrice qui s'appelait Liz Hurley. Ils ont divorcé juste après à cause de ça. Ouais. Et ça avait fait un énorme scandale parce que c'était un mec hyper propre sur lui, mais qui se faisait faire des caresses buccales génitales. C'est vrai que c'était le gendre idéal d'Hollywood et du coup, ça avait pas mal choqué l'opinion. Exactement. Toi, Marion, c'était quoi? Moi, rien à voir, c'était Britney. Britney Spears. Alors, il y a une époque, je sais pas si les plus jeunes vous en souvenez, mais elle se faisait persécuter par la presse. Oui. Franchement, elle était traquée, elle en pouvait plus, des critiques, tout ça. Elle a pété un plomb, elle s'est rasée la tête. Ouais, je me souviens très bien. Et tout a été filmé, elle est sortie de chez le coiffeur en pleurs, la tête rasée, le maquillage dégoulinant. C'était archi flippant. Moi, ça m'avait choquée parce que j'étais fan, d'ailleurs, je suis toujours fan. Et du coup, ce qui m'avait encore plus choquée, c'est les réactions en chaîne après. Ouais. Des gens qui voulaient la soutenir, mais qui faisaient des vidéos ridicules. Vous vous rappelez Leave Britney Alone? Ouais. Ah bah oui, on l'a, Thibaut, le son. Écoute. Leave Britney Alone! Voilà. Please! Mais je crois que. Perez Hilton talked about professionalism. Lui, c'est devenu une superstar après. Ouais, mais je crois qu'il fait du porno maintenant. Ah oui? Oui, oui. Arrête. Ouais. Ça, il fait du porno. Ben, ça lui a servi la notoriété. Bah, beau tremplin! Hein bah en tout cas, moi, ça m'avait pas mal choqué parce que c'est la première fois que je voyais vraiment une star péter les plombs et qui supportait plus sa notoriété, quoi. Oh, moi, j'ai été très inquiète pour ma Brit pendant des années. On l'aime. Ça m'a beaucoup travaillé. Je sais. Je trouve qu'elle fait has-been maintenant un peu. Franchement, tu touches pas à Britney. Hein. Désolée, j'ai vu sa prestation c'était au MTV. Non, c'était pas ça, c'était rien à voir. Elle danse mal maintenant, c'est vrai. Elle a un peu une petite danse un peu démodée. Non, mais je pense qu'à un moment donné, t'as fait ta carrière, faut laisser la place. Ouais, mais Brit, c'est tellement des tubes, c'est pas possible. Non, pas Beyoncé. Hein. Elle est gaulée quand même. Tu sais quoi, Britney? Elle est gaulée que dalle. Tu sais quoi, Britney, appelle-nous 01 42 48 5000 pour entrer directement en fight avec Amir des réseaux sociaux. Y a pas de Et quoi. Puis vous venez nous parler des scandales de stars qui vous ont bien marqué. Hashtag le Night Show, ça marche aussi. On est connecté, on échange avec vous et on vient tout de suite. Vous partez faire la fête avec DJ Snake à Las Vegas. C'est le double fun. Sur Fun Radio. T'as entendu quoi sur Fun Radio, Loïc? Je t'écoute. Eh ben le double fun de DJ Snake avec Let Me Love You pour la première et Talk pour la deuxième. Loïc, tu pars à Las Vegas. Bien joué. Merci Fun Radio. Merci. Eh, c'est beau ça. C'est le double fun sur Fun Radio. 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Salut, c'est Rissa. C'est David Guetta. Salut, c'est Amir. C'est Soprano. 1-2-1-2, moi c'est Black M. Dites donc, j'ai vraiment l'impression que c'est The Place to Be. Le Night Show. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Mais c'est complètement The Place to Be. Hein. Qui sera notre invité jeudi, les gars, vous savez ou pas? Ce sera Tal. Et ils sont forts, ils sont toujours là quand il faut. Bravo. C'est ma team. C'est vrai que ce serait un peu con qu'on soit pas au courant, quoi. J'adore ça, on lui réserve des surprises. Et là, on vous a lancé la question suivante. Quel scandale de star vous a le plus choqué? Ça peut être récent, ça peut être plus vieux. Moi, c'était Britney qui s'est rasé la tête. Anso, c'était Hugh Grant qui s'était fait faire une fellation par une prostituée. Oui. Appelez-nous 01 42 48 5000. Nous avons Corentin, justement, de Montluçon. Peut-être qu'il se passe des scandales de star à Montluçon. Bonsoir, salut, Corentin. Anso, salut toute l'équipe. Ça va, toi? Ça va, nickel. Du coup, le scandale de star qui m'a le plus choqué, c'est celui de Rihanna et Chris Brown. C'était durant la soirée des Grammy Awards. Ouais, de ouf. Alors attends, c'est quoi? Parce qu'il y a eu plein de trucs. C'est quand elle s'est fait frapper? Ouais, elle s'est fait frapper, je crois, elle s'est fait mordu. Ouais. Il voulait la tuer. Enfin, bref, elle ressemblait à rien. Attends, après, Corentin. Par contre, dans la langue française, on dit elle s'est fait mordre parce qu'elle s'est fait mordu, ça n'existe pas. Cela dit, Corentin, je trouve ça plutôt rigolo. C'est mignon. Ouais, je suis d'accord. C'était vraiment dur parce que là, pour le coup, il a touché à une icône. Déjà, on ne frappe jamais les femmes. Ouais. Et là, du coup, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Et j'avoue, c'était choquant. Mais en fait, après, il y a eu tellement de démentis de trucs qu'on n'a pas su. Il a vraiment été condamné pour ça. C'est vraiment lui le coupable ou c'est quoi? Bah, je crois, oui, oui. Bon. Bah, moi, j'ai entendu dire que, enfin, il avait, enfin, Rihanna avait vraiment dit que c'était lui. Et du coup, il a dû payer une caution et tout. Enfin, c'est. Ouais, oui. Après, ouais, rappelle-toi, Corentin. Après, ils avaient été vus à la Barbade ensemble. Ils s'étaient remis un peu ensemble et tout. Ah bah oui, ouais, après elle a recraqué. Mmh. Et elle l'aime, hein. Elle est faite. Elle l'aimait. On est d'accord, on prend ce scandale. Ah bah il est bien. Ah bah oui. Ah, attends, et dis donc, tu sais Corentin, moi je t'ai vu, t'arrives à l'antenne, je me suis dit ça c'est Corentin, ça sent le champion ça. Il a bien trouvé. On t'embrasse. Ouais, bisous. Bisous. Bisous les garçons dans l'équipe. Est-ce qu'il y a un scandale de star qui vous a marqué, Amir? Eh bien moi tiens, c'était sur le cloud. Ah, avec, le cloud des stars. Toutes les stars. Alors déjà, je sais pas comment elles ont fait pour se faire avoir... avec le cloud, parce qu'en fait la technique a été vraiment pourrie. Alors rappel, en fait, c'est le cloud des stars avait été dévoilé et donc il y avait pas mal de photos coquines des stars. Ouais, il y avait toutes les photos coquines. En fait, il y avait toutes les photos qu'il y a dans. Enfin, c'est pas des photos coquines, hein. Il y avait toutes les photos aussi. Photos de famille, tout ça. Qui circulaient dans le monde entier. Bah, qui circulaient partout, parce qu'une fois que ça a été balancé sur un site, bah en fait, je pense qu'il y a des avocats et tout ça qui ont essayé de faire fermer tous les sites, mais c'était impossible. Après, c'est fini, bah même aujourd'hui, on les retrouve. Mais il y avait Jennifer Lawrence, c'est ça. Ouais. Alors, du coup, moi, par curiosité et pour un travail de journalistique, je suis parti voir les photos de Jennifer Lawrence. Mm. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Et elle s'en est bien remise parce que tu vois, le scandale, il n'y en a pas eu pour elle. C'est-à-dire tout le monde disait la pauvre, mais ça l'a pas suivi. Quoi. Non, mais quand t'es une star hollywoodienne, c'est pas ça qui va arrêter ta carrière. Non, mais regarde, Laure Manoudou non plus. Oui. Pourtant, il y avait eu des photos. Ah, c'est hardcore, non, je suis pas d'accord. Laure Manoudou, elle en a chié de ouf. Hein. Oui. Elle s'est fait insulter, la presse lui a tourné le dos, bah, rien aussi, à voir. Là-bas non. Aussi. Bah, c'est juste qu'ici, on est en France, donc les petites infos, toutes, enfin, celles-ci, on les voit, mais aux États-Unis, bah, forcément, on capte pas. Oui, mais vraiment, Jennifer Lawrence, il y avait de l'empathie pour elle. Tout le monde était là, mais c'est pas possible, la pauvre, elle y est pour rien et tout, tu vois. Bah, j'ai eu de l'empathie pour Laure Manoudou aussi. Non, mais c'est la famille qui. Enfin, les familles, les amis, tout ça. Bah, évidemment. Enzo, est-ce qu'il y a un scandale de star qui t'a choqué? Moi, ouais, c'est quand Tony Parker a trompé Eva Longoria. Ah oui, moi aussi, ça m'avait blessé ça, parce que j'aimais trop ce couple. Trop ouais. Mignon tous les deux. Moi aussi, ils avaient fait un mariage le 7 juillet 2007, c'était magnifique. Oh, beurre. Ouais. C'est fini tout ça. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Thibaut à l'arrière. Ah ouais, moi j'étais choqué quand Zidane, il a mis un coup de boule à un Italien, et après ça, bah du coup, on a perdu. On a perdu la finale. Ah, mais je me rappelle, bah, ça. Et moi, j'en ai ri, hein. Forza Italia. Ah ouais. Hey, Enzo, il est italien. Ouais. Ouais. Et ben Zizou, il a bien rebondi aussi. Hein. Bah, tu regardais le Real de Madrid et puis l'autoroute du kiff du foot. C'est vrai. On va continuer à nous appeler 01 42 48 5000. Moi, j'ai un petit jeu pour vous. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe? Ouais, j'adore. Ouais. Bah, c'est parti. Le vrai faux du Night Show. Est-ce que deux stars femmes de la pop connues dans le monde entier se sont embrassées lors de la cérémonie des MTV Awards en 2003? Vrai ou faux? Oui, vrai. C'est qui? Britney et Madonna. Bien joué, Anso. Wow. Est-ce que 14 ans après les faits, Michel de la Starac a enfin reconnu avoir volé l'orange du marchand? Non, et alors pourtant, je suis sûre que c'est lui. Je te confirme. Est-ce qu'en 2011, un politique français s'est fait arrêter dans une chambre d'hôtel à New York? Bah oui. Hein. Ah, ouais. DSK. Ça, c'était dur. Et c'était un truc de malade. Moi, j'ai été vissée à ma télé. C'était un vrai feuilleton, quoi. J'ai regardé ça toute la nuit. C'était dur pour lui, mais bon, après, il n'y a pas que lui qui a fait ça. Est-ce qu'une star de la télé-réalité française a poignardé son copain dans une chambre d'hôtel? Ah ouais. Yes. Ouais. Nabibi. Nabila qu'on embrasse. Vrai ou faux, est-ce qu'un homme star de la pop a vomi sur scène en plein concert en 2012? Oui. C'est qui? Bieber. C'est Justin Bieber. Et je ne ferai pas cette vanne qu'on m'a écrite, qui est apparemment, il aurait entendu sa propre musique, c'est pour ça qu'il a vomi. Non. Non. Non. Non. On aime Justin dans cette émission. Ah ouais, non, on est fan de Justin Bieber. Et là, il a une crotte de nez qui est sortie il y a pas longtemps. Quoi? Comment c'est ça? C'est pas une vanne. Ah bon? Ouais, c'était à Amsterdam. Il y a deux semaines, même pas, il était en concert. Ouais. Et il a éternué. Et sur le ralenti, pauvre. Tu vois une grosse crotte de nez là, qui sort en frère. Mais franchement, on leur laisse rien passer. C'est dur. Ouais. Bah, en même temps, c'est dur. Même nous, si ça nous arrive, on se taille, quoi. Il est tout seul sur scène et il y a 2000 personnes devant, 20 000 même. Seul face à sa crotte de nez. Est-ce qu'un président des États-Unis a fait scandale en se faisant pomper par sa stagiaire? Oui. Comment il s'appelle? Clinton, avec Monica Lewinsky. Exactement. Est-ce qu'une star de la télé-réalité française a fait scandale après avoir été filmée en train de faire l'amour dans une piscine? Oui. Oh, c'est très longtemps. Ça. Loana, mais ouais. Alors les plus jeunes, si vous connaissez pas Loana à l'époque de Loft, franchement, il y a des vidéos qui doivent traîner. Cette scène est magique. Loana et Jean-Edouard. Il est DJ maintenant, lui. Ouais. Il est beau. Est-ce qu'une star de la pop a fait scandale en 2009 après avoir défilé dans une robe de viande? Oui. Oui. Gaga. Lady Gaga. Ouais. Moi, ça m'avait fait rire, ça. Moi aussi. Mais tout le monde avait crié au gaspillage, non? Bah, je m'en rappelle plus. En même temps, je comprends. Bah non, oui, c'est vrai. Au-delà du gaspillage, c'est du mauvais goût, surtout. Ouais, mais c'était pour la cause animalière. Hein. Bah oui, mais bon, je te dis. Est-ce qu'un animateur de Fun Radio a fait scandale après s'être fait refuser l'accès en boîte de nuit à cause de ses sourcils proéminents? Je vous emmerde. Oui, évidemment. Amir, il a de gros problèmes avec tout ça. Des scandales dont tout le monde parle. Mais vous savez quoi? Je me suis jamais fait refuser d'une boîte. Eh ben, mais grand bien t'en fasse. Ça va le boulard, sinon? Ouais. Non, attends, je rêve. Je suis sûr que c'est faux, en plus. Ah, oh, c'est vrai. Bah oui, normal. Si, yeah. Non, franchement, jamais. Hein. Mais bon. On s'est tous fait recal. Mais oui, je me suis fait recal, moi. Et non, et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je rentre avec des meufs. Donc, bah, moi aussi, je rentre avec des meufs et je me fais recal pourtant. Ah, ça, par contre, c'est compliqué. Il y a Amanda de Rouen qui nous a appelé. Bonsoir, Amanda. Salut les filles. Ça va? Ben, ça va bien, et vous? Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a un scandale de star qui t'a marqué, toi? Ah ouais, c'est clair. Je vous ai appelé pour ça parce que moi, c'était l'affaire Zaya il y a 5-6 ans. Ah oui. Ça m'avait vraiment choquée parce que voilà, le football, les footballeurs, tu vois, 98, c'était tout mon adolescence. Et c'était un peu mes idoles, vraiment. Alors, enfin, on va rappeler les faits. En fait, c'est Ribéry, ouais, qui était marié, tout ça, grand joueur français, qui donc s'était fait surprendre avec Zaya, qui était une prostituée, ouais, mineure. Mais escorte, ouais, Ribéry entre autres, il était avec d'autres aussi, oui, hein, et Govou, il y avait Ben Arfa, Benzema, enfin voilà, toutes les stars de l'époque. Et ça m'avait vraiment choqué que des mecs comme ça qui gagnent bien leur vie, qui représentent quand même quelque chose pour les jeunes, s'amusent à ça. Ça m'avait vraiment déchu et, bon, et scandalisé. Amanda, cela dit, Zaya a su rebondir. Ah bah oui, je te confirme. Ouais, mais elle était mineure quand même à l'époque. Oui. Ça aussi, c'était pas top top, quoi. C'est vrai, mais ils ont payé. Hein. Franchement, ils ont pris cher, je crois, dans leur couple. Ils ont pris cher. Ils ont été en justice et tout. Hein, il est toujours avec sa femme, Ribéry, d'ailleurs. Je crois, oui. Mmh. Elle lui a pardonné. D'accord. Comme quoi. Bon bah écoute, merci de nous avoir appelés. On valide aussi ce scandale. Ça nous a choqués aussi. Voilà, Ribéry, je t'aime. Quand même. Bisous, Amanda. On t'embrasse. Bisous. On a fait Fabien aussi. Fabien, il est du côté de Toulon, le sud de la France. Bonsoir, ah, Fabien. On est content d'être là. On est content d'être là. Les gars, mais ça va pas? Oh yeah. Et les gars sont partis dans un délire là, Enzo. Ça va, Fabien? Ouais. Ça va, ouais. Dis-nous, est-ce qu'il y a un scandale qui t'a marqué, toi? Moi, c'est encore tout frais, c'est le divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Ah oui, bah oui. Ouais, je comprends, moi aussi, j'arrive pas à m'en remettre. Non, mais sans déconner, Fabien, je sais pas si t'es comme moi, mais je trouve que t'as des gens comme ça, c'est comme le divorce de Tom Cruise et Nicole Kidman à l'époque. C'est des icônes, et puis tu te dis, tu les crois complètement invincibles. Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis célibataire, parce que du coup, je crois plus du tout à l'amour. Mais tu sais, moi, je trouve que ça rentre pas vraiment dans la case des scandales. C'est qu'un divorce arrive à tout le monde, ils ont rien fait. Tu vois, c'est pas un truc, tu peux pas critiquer, c'est pas un scandale. Non, mais après, il y a 2-3 scandales autour, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Brad Pitt aurait été violent, tout ça. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il aurait été voir des prostituées, tous les délires avec Marion Cotillard qui sont faux, évidemment. Ouais. Enfin, j'espère. Du coup, non, mais effectivement, ça rentre dans le jeu, je prends. Ouais, Fabien, j'ai bien compris, t'en as gros sur la patate. Ah, bah, je suis sur TMZ toute la journée pour voir où est-ce que t'en es, cette histoire. Bah, je sais bien, Fabien. Mais tu sais, il faut que tu sois fort, Fabien. Au bout du tunnel, il y a l'amour qui t'attend, Fabien. L'amour, le réel et le mariage durable. Je crois aussi. Allez, Fabien, on est fort tous les deux, on s'embrasse. On s'embrasse. On s'aime très fort, Fabien. Bisous, mon Fabien. Bisous. Salut les beaux. Bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère de l'équipe s'il connaît des stars déjà et s'il y a un scandale qui l'a marqué, Pépère? Bah oui, bah Pépère, il a été choqué par l'affaire de Kardashian, hein. Mais qu'est-ce qui t'a choqué, toi, dans cette affaire? Bah non, mais monsieur, bonsoir. Ils l'ont ligoté et même pas ils lui ont bouffé le cul, c'est. Oh non. Bah oui. Non, mais mec. Non, moi je cautionne pas. Ça me fait rire quand même. Mais c'est énorme. J'adore le bon sang de bonsoir. Bah oui, Pépère, il essaie d'être comédien. Bon, restez avec comédie. Nous. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est Synesias, les inventeurs du Calcul Challenge, qui vont débarquer dans l'émission. Ça va être chambé. On se retrouve juste après Mike Perry sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe. I let you in. Keep me warm. 22h29, vous écoutez Fun Radio, c'est Marion et Anso, on est en direct jusqu'à minuit. Et j'ai envie qu'on fasse du bruit les gars, ils sont avec nous, Cinésia dans le studio. Cinésia, Cinésia, Cinésia, Cinésia. Allez vas-y. C'est vrai qu'ils sont tous là au micro avec nous, on a Laro et Vegeta. Yes. Bonsoir les gars, comment allez-vous? Super. Très bien, très bien. Super. Alors, si vous les connaissez pas, vous les connaissez peut-être sous le nom du Calcul Challenge, parce que c'est eux qui ont inventé cet énorme mouvement qui fait le buzz un peu partout. Yeah. Comment yeah. on se sent quand on a inventé comme ça un truc qui buzz? Bah, écoute, comme tous les jours, en fait, on savait pas le truc, on savait pas que ça allait prendre comme ça, tu vois. Mais racontez, comment ça vous est venu, l'origine du truc? En fait, l'origine du truc, le Calcul Challenge, il a été fait il y a plusieurs années. Ah bon? Ça avait pas pris comme ça. La première victime du Calcul Challenge, c'est un petit qui s'appelle Jérémy, comme ça. Ouais. D'ailleurs, big up à lui, tu vois. Et on avait trouvé ça marrant, donc on s'est dit vas-y venons, on en fait un concept, on danse et on fait le calcul et on crée de la difficulté. Et c'est même ça que c'est. Je te rappelle avant tout ça, je crois que c'était au tournage du clip Chute qu'on a fait. Ouais, ouais, exactement. On s'est dit, on va faire un snap comme ça en fait. Ouais. Et le snap, tout le monde a dit oh mais c'est quoi ce truc et tout. C'est lourd et tout et c'est comme et ça que voilà. ça a pris. Hein. D'accord. On l'a fait la première fois, on l'a fait, c'est au petit frère de Maître Gims Dadju ouais. et c'est comme ça que tout a explosé en fait. Et qui a eu l'idée? C'est qui? Bah en fait en concrètement c'est nous mais c'est ouais. tout le monde c'est tout le monde c'est un travail d'équipe. Un travail voilà, d'équipe comme voilà. d'habitude. Voilà. Eh franchement c'est énorme parce que alors est-ce qu'il y a des stars là qui l'ont fait ou pas, parce que moi j'ai vu le buzz, il y a plein de gamins, il y a plein de monde franchement sur les réseaux sociaux, on voit que ça, mais est-ce qu'il y a des artistes qui l'ont fait ou pas? Bien sûr, il y a plein d'artistes. Il y a ah oui, j'ai vu il y a des footeux qui l'ont fait. Il y a des ouais. footeux qui l'ont fait, Serge Aurier, Kurzawa. Et en artiste chanteur et tout, il y en a ou pas encore? Artiste chanteur. Pour l'instant, il n'y a que Dadju. Hein. Et puis, bah, nous, forcément, parce qu'on ouais. chante, évidemment. mais ça va venir. Ouais. C'est sûr, tout le monde va le faire. C'est un délire. Franchement, ça cartonne. Ah, et c'est vrai aussi. C'est marrant, ouais, MHD, mais. Aussi. MHD l'a fait. Ah oui, MHD, ouais, MHD l'a fait. On l'a fait avec Léon Maroc. Par contre, on est d'accord, tu peux vite t'afficher, quoi. Si tu connais pas bien tes tables de multiplication, c'est un peu compliqué. C'est exactement ça. Après, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on multiplie, on divise, on soustrait. En fait, nous, on a créé une sorte de boucle. Tu ouais, vois, une sorte ouais. de boucle, il faut reprendre les premiers chiffres et terminer en fait. Mais après, tout le monde peut faire comme il veut, tu vois. Mais ouais, c'est sûr vrai. Que ça fait plus joli. Il faut danser. Oui, faut danser. Parce qu'il y a plein de gens qui le font sans danser. Sans danser, voilà. C'est pas ça le but. Voilà, même si on sait pas danser. C'est la difficulté en fait. Voilà. Plus tu danses et t'es moins concentré. Voilà. D'accord. Bon, dans un instant, on va y passer évidemment. On va faire le calcul challenge, Anso et moi. Mais avant, j'aimerais savoir du coup, parce que là, vous êtes hyper nombreux, tout ça. Moi, je vais être très honnête, je vous connaissais pas franchement. Yes. Est-ce qu'il y a des projets dans la musique, tout ça? Qu'est-ce qui va se passer pour vous là? En fait, peut-être que tu nous connais pas, mais t'as déjà dû nous entendre. Ah bah c'est possible. Parce qu'on a fait un son polémique il y a pas longtemps, un son, je sais pas si on peut dire le, on le dit, on se dit. Bah si c'est trop polémique, nous mettez pas dans la merde. Hein, non. Attention les gars, son hein, parce non, que. C'est un son qui, franchement, si tu sors un peu, tu ouais. as dû l'entendre, c'est un bah son qui s'appelle dit. Pute. Ah ok, bon ça va. Voilà. voilà. Mais voilà, c'est un son qui s'appelle Pute. Le son, okay. il a plus de je ne sais combien de millions de vues sur YouTube. Ouais, juste l'audio, tu vois, ça a bien pris. Et après voilà. Ouais, du coup, là, vous allez continuer. On sort un EP là très bientôt. Là, il y en a un clip qu'on a tourné il y a pas très longtemps qui va sortir qui s'appelle Bourbier. C'est un truc. Retenez bien ce nom, c'est Retenez Bourbier. Bien, ça va ça arrive bah, sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, de toute façon, globalement, si on veut se tenir au courant de toute l'actu, des clips, de ce qui sort, tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, sur la fanpage, la Cinésia, Instagram et Twitter aussi, c'est la même chose. La Cinésia partout. Voilà. Est-ce qu'on se ferait pas le challenge des copains? Allez. Ouais. Alors, qui commence, Anso? Mais vous voulez pas que eux fassent d'abord un challenge entre eux? Ah ouais, je veux bien. Parce qu'ils sont forts. Ouais. Et la après, démo. Vous, les filles. Ok, et eh ben les gars, allez-y, installez-vous. Vous nous faites une belle démo. On va voir à quoi ça ressemble. Si. On se met en Facebook Live. On installe le groupe, on appelle. Ouais, tout le monde là. Preston, on appelle là. La Vox, on appelle le manager Fekou. Ouais. Et le directeur artistique. Et tout le monde va taper voilà. des mains, poto. Ok, et eh, les gars, on se met en Facebook Live. Est-ce que le Facebook Live est prêt? Dites-nous tout. C'est qui le gère? Ok, c'est bon. On est bon. Et franchement, ça m'excite, hein. Moi aussi, je suis toute en folie. Allez-y sur la page Marion et Anso, Calcul Challenge, avec les créateurs quand même, Cinésia, qui sont là. On les applaudit ou pas? Ouais, allez, on y va, allez, allez, allez, on commence la roue? Ouais, allez, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Okay. Vas-y. Balance-moi un régime, mon gars. Le régime. Yeah. 6, 7, Hey. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 divisé par 8. C'est la première j'ai fois qu'il se trompe, c'est un truc il de a raté. J'ai fait exprès, on a raté. On a rigolé quand même. Ouais, c'est attends, okay, il a raison, ok. Allez, ok. On reprend? Bah ouais, c'est bon. Allez, 6, 7, hey. Rate pas sinon t'es mort. Hey. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 divisé par 8, 1. 8 plus 8, 16. 16 plus 16. 32. 32 moins 16. 16. 16 divisé par 2. 8. 8 fois 8. 64. 64 moins 10. 54. 54 moins 10. 44. 44 moins 10. 34. 34 moins 10. 24. 24 moins 10. 14. 14 moins 10. 4. 4 moins 4. 20. Alors les gars, je vous dis, franchement, je suis hyper impressionnée. Ah, moi aussi. Attends, c'est-à-dire qu'on était, je sais pas si vous nous avez vu sur le live Facebook, mais c'est-à-dire qu'avec Marion, on se regardait en disant, waouh, le mec, on va passer pour les teubés. Il nous a largué. Bah ouais. Ah, parce que attends, mais parce que nous, on va pas faire le truc facile que tout le monde connaît là. Bah c'est trop facile, Babeur. Bon, on essaye. Allez, j'y vais. Allez, voilà, allez, j'y vais. Marion, on fait du bruit. On fait du bruit. Ok. On y va. On y va. Ok, balance mon régime, mon gars. 5, 6, 7, et. Marion. Hey. Marion. Hey. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 divisé par 8. 1. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 32 moins 16. 16. 16 divisé par 2. 8. 8 fois 8. 64. 64 moins 10. 54. 54 moins 10. 44. 44 moins 10. 34. 34 moins 10. Hey. 24. 24 moins 10. Hey. 14. 14 moins 10. Hey. 4. 4 moins 4. Yeah. Ah, oh. Elle a réussi. 4 moins 4, 1. Je suis désolée. On lui accorde. Merci. Wow. Bravo, merci, t'es un vrai. T'es un vrai. Eh bien, écoutez, merci d'être venu, les gars. On est ensemble. Non. 4 plus 4. 8. 8 divisé par 8. 1. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 32 moins 16. 8. Oh. Anso. Attendez. Anso. Attendez. Mais non. Je veux juste me défendre deux secondes. Vas-y. Je me suis arrêtée en BP. Mais moi aussi, je me suis arrêté en BP. Bah, oui, mais toi, arrête de faire ton crâneur parce que tu t'entraînes tous les jours. Bon, elle est mauvaise. On va quand même essayer de relever le niveau avec Amir. Amir, allez, tu veux te tenter? Amir, on a confiance en toi. Allez, on a confiance en toi, mon gars, sûr. Balance-moi un rythme. Il faut une radio derrière toi, Amir. Allez, vas-y, je suis chaud là. Hey. Hey. Hey. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 divisé par 8. 1. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 32 moins 16. 16. 16 divisé par 2. 8. 8 fois 8. 64. 64 moins 10. 54. 54 moins 10. 44. 44 moins 10. 34. 34 moins 10. 34. 24 moins 10. 14. 14 moins 10. 4. 4 moins 4. Yeah. Wow. Allez, vas-y. Amir le boss, c'était trop facile pour lui. Eh bien, écoutez, je vais arrêter cette émission. Voilà, tu t'es fait afficher. Non, mais franchement, c'était énorme. On va vous mettre toutes les vidéos. En plus, on a fait un petit délire avec eux. Des versions un peu particulières du Calcul Challenge. Ça va débarquer sur la chaîne YouTube. Et les garçons, juste avant de vous quitter, où est-ce qu'on peut vous voir là? Est-ce qu'on peut vous voir? Vous faites une tournée? Vous êtes quelque part? On a repris la tournée là ce soir. On fait les petits clubs. On fait quoi? Alors, vendredi, on sera dans une chicha au Séduction dans le 94. Et samedi à Albert du côté d'Amiens au QG Complexe. Dans un club. De toute façon, toutes les dates elles seront mises sur notre fanpage, la Cinesia fanpage. Et Instagram aussi, la Cinesia. Et restez connectés, il y a le Verbe Irrégulier Challenge qui arrive. Ah, j'adore. Dinguerie, mais c'est énorme parce qu'ils font réviser les gosses. C'est vrai, parce qu'on a vraiment eu un sacré buzz. Chaque jour, on nous envoie des vidéos, ça passe sur les chaînes de télé. Mais c'est énorme. Ouais. Eh ben, c'est mérité. Bah, écoutez, bon délire. J'ai hâte du Verbe Irrégulier Challenge pour me faire ridiculiser une deuxième fois. Surtout, juste parce que avec la débilité des challenges qu'on a vu, qui vous mettaient en danger, tout ça, ça, c'est un bon challenge positif, quoi. Ouais, c'est clair, franchement. Yes. Bravo, les gars. Bravo. On vous kiffe. Merci. Vous venez quand vous voulez ici. Et allez voir leur Twitter. La Cinesia. C'est la Cinesia off sur Facebook et sur Twitter, la Cinesia. Suivez-nous, on est ensemble. Nous, comme on vous a dit, le clip sort bientôt au Bourbier. Donc, voilà. Ok, et bah merci d'être venu, c'était un kiff. Merci à tous. Merci les gars. Et puis, nous, dans un instant sur Fun Radio, on va continuer à parler de challenge. Puisqu'on parlait du Calcul Challenge, dites-nous quel est le challenge le plus fou que vous avez déjà relevé. Est-ce que vous allez faire un orthographe challenge, par exemple? Ou un dyslexie challenge? Non, pas encore. On parle de ça avec vous dans un instant, en tout cas. 01-42-48-5000 et pour le son, Richard Orlinski et Eva Simon sur Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back. I Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. C'est Marion et Anso, le Night Show. Ils sont toujours là, je les vois en train de faire des vidéos là, les membres du Cinesia qui ont créé le Calcul Challenge. C'était le feu, franchement, on a kiffé. Ouais. Il y a de la vidéo qui va arriver. J'adore ce délire. Ah, moi aussi. Anso, elle est pas bien, les chonchons, parce qu'elle a raté. Mais non, mais en plus, c'est vraiment. Je suis nulle, je me trouve nulle. Mais Babel, c'est le stress, on sait très bien que tu sais compter. Bah oui, tout le monde sait que 9 et 9, ça fait 57. T'es trop mignonne. Bon, vous avez posé la question là, il y a quelques instants. Quel est le challenge le plus ouf que vous ayez relevé? Le truc de malaise que quelqu'un vous a lancé ou que vous-même, vous vous êtes lancé à vous-même, c'est possible ça? Oui. Et ben tu vois, typiquement, pour continuer dans ma lancée, moi je me suis donné comme challenge de courir 10 km en moins d'une heure. Et ben j'y arrive toujours pas. Ouais, mais par contre tu progresses. Oui, je progresse, c'est vrai que maintenant je suis passée de 1h20, ce qui était quand même un temps pourri hein, pour un 10 km, à 1h10. Pas trop mal. Franchement, bravo Babel. 10 km, 1h10. Ah franchement, c'est bien. Mais pas trop mal. Surtout, je lui dis tous les jours, je trouve qu'elle s'affine, mais de malade. Alors moi, pour info, il y a deux jours, j'étais avec une fille qui connaît Anso et qui m'a dit, ça fait 6-7 mois que j'ai pas vu Anso et je la trouve de plus en plus belle. Elle est ravissante. Oh, mais c'est qui cette fille? Ah, Thibaut était avec moi ce jour-là. C'est qui? Avec toi. Non, mais elle est pas connue, donc on s'en fout. Mais elle était waouh quoi. Et moi, tu sais quoi, bah il y a un mec qui travaille à Fun Radio. Je l'ai croisé en bas de la radio et il m'a dit, ah trop cool, c'est vrai que tu bosses avec Fun avec Anso cette année et tout. Et bah elle est encore plus belle que l'année dernière. Mais c'est qui? Je te jure que c'est vrai. C'est Mika qui fait le 9-12. Ah, c'est gentil. Ouais. Et j'aimerais terminer avec un petit truc. Quoi? On était tous dans le studio là juste à côté avec la Cinesia, on faisait une petite vidéo. Et il y a un des mecs qui a quoi? Un petit crush sur toi. Mais non. Mais arrête tes conneries. Ah si. Il a dit quoi? Bah c'était le mec qui était assis à côté de toi, Marion d'ailleurs. Là. C'était quoi? Laro. Laro, ouais. Laro, il est en kiff sans ça. Ah bah écoute, c'est très gentil Laro. Et dans l'escalier, il doit être dans l'ascenseur en train d'écouter. Ils vont remonter. On vous embrasse les gars, merci d'être venus. Bon, appelez-nous, vous 01 42 48 5000. Quel challenge vous avez relevé? Je peux vous dire le mien ou pas? Ouais. Oui, vas-y.

Show. Avec Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. Quel est le challenge le plus ouf que vous êtes fixé et que vous avez réussi à relever ou qu'on vous a fixé? Appelez-nous 01 42 48 5000, ça nous intéresse. Anso disait qu'elle, c'était courir tous les matins pour perdre du poids. Non, c'était pas du tout ça. Bah, c'était courir 10 km en moins d'une heure. C'est quand même un challenge de courir tous les jours. Ah, mais je cours pas tous les jours. Je cours. D'ailleurs, il faut pas brusquer trop ses muscles. Ah oui. Donc je cours 2 fois par semaine. D'accord. Moi, c'était lancer ma chaîne YouTube perso. Et maintenant, ça nous intéresse d'avoir les vôtres. Et ben justement, on a Claire de Marignane qui était avec nous. Bonsoir Claire. Bonjour à tous. Bonsoir. Coucou, ça va? Ça va bien. Juste, je voulais vous dire, j'ai kiffé le calcul challenge tout à l'heure. C'est trop bien. Est-ce que tu as vu à quel point Amir et moi on était bons? Et à quel point c'était Anso terrible. A paniqué. Oui, mais c'est l'émotion. C'est la première fois. Merci, voilà quoi. Non mais elle est trop mignonne. En plus on en a fait en off et franchement elle les tenait de ouf. C'est la pression Babe. Mais oui c'est ça. Mais surtout en off c'était simple, ça allait jusqu'à 18. Ça allait jusqu'à 64. J'adorais quand tu leur as dit mais les gars je suis arrêtée en BEP moi. C'est la meuf qui sait se vendre. Bon dis-nous c'est quoi le challenge que t'as relevé toi? En fait moi le challenge c'est un challenge que je me suis mis à moi-même. J'ai fait en fait le top body challenge et j'ai réussi à perdre en fait 15 kilos. Ah bon. Est-ce que c'est le challenge dont tu me parlais Anso? Oui c'est ça, c'est Sonia. Ouais. C'est un truc que tu télécharges et en fait c'est des exercices à faire tous les jours avec des poids. C'est genre 10 minutes hein, par jour, pas plus Claire, c'est ça hein. 30, tu peux aller jusqu'à 30 minutes en fait et c'est un jour sur deux. Par exemple le lundi tu fais les abdos et les cuisses, le mercredi tu fais les bras, les fessiers et le vendredi tu fais le corps, tu fais des exercices pour le corps entier en fait. Sauf qu'il y a des niveaux et c'est un truc de ouf quand t'arrives sur la fin. Grave. C'est vraiment hardcore quand même. Et... au début, c'est super dur. Hein. Et toi, t'en es où du coup? T'as perdu combien? J'ai perdu 15 kilos. C'est énorme. C'est chambé parce qu'en plus, dans le Top Body Challenge, c'est que tu te prends en photo au début, tous les jours, je crois, c'est ça. Et comme ça, c'est tu peux voir l'évolution. Et c'est hyper motivant. D'accord. Carrément. Mais perds pas trop non plus, Bichette. Hein. Non, ça va aller. Là, je pense que je vais stabiliser. Là, ça devrait être bien. Voilà. Petite bombasse musclée. On stabilise. On t'embrasse, ma Claire. Bravo à toi, en tout cas. Salut, bisous. Bisous, à bientôt. On a Antoine. Antoine, tu sais où il habite, Marion? Non. À Angers. Non, à Avignon. Ah, c'est fou, ça. Rien à voir. Bonsoir, Antoine. Salut, Marion. Salut, Anso. Salut, Peter. Ouais. Il est content. On lui a parlé. Ça va, Antoine? Ça va. Et j'ai kiffé le calcul challenge. Vous étiez énorme. Ah, d'accord. Mais si ça vous a plu, on est contents. La vidéo arrive, les gars. Ah, bah, j'espère. Dis-nous, c'est quoi ton challenge, toi? Alors moi c'était un challenge que ma meuf elle m'avait lancé, c'était arrêter de fumer. Ouais. Et genre elle m'avait dit est-ce que tu serais capable d'arrêter de fumer pour moi? Je lui ai dit ouais et en fait moi je lui ai relancé un challenge, c'est-à-dire que je lui ai dit tu sais les publications sur Facebook là genre il faut avoir autant de likes et autant de commentaires. Mm-hmm. Mais je lui ai dit à 300 likes et à 500 commentaires je le fais. Ah, sauf oui. qu'en fait elle en a eu 900 et donc j'ai pas eu le choix quoi. Ah c'est énorme, elle a buzzé avec ça. Ouais. En gros, elle avait mis un post genre si ce post atteint 300 likes, mon mec arrête de fumer, c'est ça? C'est ça, c'est énorme. Ça. En même temps, mec, c'était vraiment signé et couru d'avance qu'elle allait avoir le nombre de coms et de likes. Hein. Même moi, j'aurais liké. Ah, moi aussi, les gens, ils y vont à fond là-dessus. Hein. Et du coup, t'as arrêté de fumer? Moi, j'aurais jamais pensé. Mm-hmm. Et t'as arrêté? Ça fait 6 mois maintenant. Ah, la vache. C'est bien, bravo. Bravo, bravo franchement, c'est cool. Et tu tiens le coup, ça va? Ça va, c'est un peu dur, mais bon, ça va quoi. Avec tout ce qui est électronique et tout maintenant, on arrête plus facilement. Non, puis Antoine, attends, t'as 17 ans, franchement, c'est cool d'avoir arrêté maintenant, ne reprends jamais. Bah oui, c'est le but. Bon, bravo, on te félicite, on te fait des bisous. Merci, moi aussi, je fais plein de bisous. Et franchement, continuez comme ça, vous déchirez tous les soirs, c'est énorme. Merci Antoine, on t'embrasse. Je suis fière de toi comme si tu étais mon fils. Ciao. Les garçons dans l'équipe, qui a déjà relevé un challenge? Ouais. Dites-moi, levez la main, qui a dit oui? Thibaut à l'area? Ouais, j'en ai déjà fait. En fait, je me suis fixé pour objectif de partir genre en vacances en stop et j'étais trop fier de moi parce que je l'ai fait. Ah, mais c'est la galère ça! Ouais, mais j'étais fier de moi, je l'ai fait, j'ai réussi à aller jusqu'au bout du truc, tu vois. Eh bah bravo, bichon. Ouais, t'es fort. Bah, pas mal. Moi, j'aurais jamais osé partir en vacances en stop. Hein. Déjà, moi, le stop, je suis pas fan, j'ai toujours peur qu'il m'arrive une bricole. T'en as jamais fait même avec des potes? Non. Moi non plus. En tant que meuf, moi je flipperais. Non, mais même globalement, j'ai toujours peur moi. Oui, Enzo, standard. Bah, j'ai toujours peur de prendre un stop. Un autostoppeur. Ah, mec. Et les fours, t'as pas peur de les prendre par contre? Non, c'est pas possible. Enzo, pendant qu'on te tient, c'est quoi le challenge que t'as relevé toi? Bah, moi, c'est courir nu dans la rue en face de chez moi. Mais c'est complètement con, pourquoi tu fais ça? Bah parce que ça rafraîchit pendant la canicule. Mais non mais franchement, mais tu l'as vraiment fait? Ouais, j'ai vraiment fait, ouais. C'était un challenge que ma sœur m'avait lancé. D'accord. Non, voilà. C'est chelou. Après, cela dit, non mais pour Enzo, on a tous fait des trucs comme ça de tout nu pendant les vacances, non? Non. Oui. Bah si, on s'est tous mis tout nu devant des potes pendant les vacances. Ouais. Bah, et c'est tout quoi tes vacances toi? Devant les potes? Non mais pas pendant mes vacances cet été par exemple, mais quand par exemple, je ne sais pas comment me sortir de ça. Bah oui. Non, j'ai déjà montré mon cul pour rire. Non mais genre t'es à la plage, bain de minuit, hop, on se met tous tout nu, on court vite dans l'eau. Ouais, ça ouais. Faudrait vraiment qu'on passe des vacances ensemble là. C'est vrai. Non mais alors moi, je vais être très honnête, j'ai jamais fait ça. Hein. Même un bain de minuit, t'es dans le noir. Je garde mes sous-vêtements, je te dis la vérité. Ah mais par contre, les bains de minuit quand t'es nu dans l'eau, c'est tellement stylé. Oh là là. Ouais, c'est canon. Et alors même pas les bains de minuit, hein, quand t'es nu dans l'eau toute la journée, c'est génial aussi. Hein. Vous me faites peur les gars, c'est un délire. Ah si, nager nu, c'est quand même la liberté. D'accord. Amir des réseaux sociaux, est-ce que tu as déjà relevé un challenge toi ou pas? Ouais, moi mon challenge, c'était un pote qui m'avait filé, c'était de prendre du poids. D'accord. Et j'ai pris 200 grammes. D'accord, tu les as pris où? Ça se voit pas du tout. Hein. Bah dans les sourcils. Oh, c'est merdier. Meilleure vanne de la soirée. Il était un bâtard, toi. Non, mais c'est vrai que Amir, il a du mal à prendre du poids. Mais c'est-à-dire que moi, je me bats pour en perdre et toi, tu te bats pour en prendre. Mais je sais quoi, je vais être honnête avec vous. Là, cette semaine, j'essaie de pas bouffer gras et tout. Ouais. Et ça fait deux semaines, peut-être trois semaines, que tous les soirs et midi, je mange McDo, kebab et canon. C'est pas bien, hein. C'est malsain ça. Ouais, je sais que c'est malsain, mais c'est la life. Ça coûte une blinde en plus, ça. Mais grave. Bon bref, t'as tout faux. Non mais c'est surtout qu'à terme en plus tu vas pas pouvoir prendre uniformément, tu vas prendre que du ventre. Mais le truc c'est que je me pèse du coup tous les jours, ça ne bouge pas d'un gramme. Ouais mais profite, hein. Ça va venir. Ouais ça fait 10 piges qu'on me dit profite, ça va. Bon écoute, on va demander à Nolan ce qu'il en pense, hein. Il nous a appelé de Strasbourg, hein. Bonsoir Nolan. Salut Marion, salut Enzo. J'adore ce prénom. Alors moi je pense que Amir, c'est juste qu'il a un bon transit intestinal. Ah bah merci Nolan. C'est plus un transit, hein, c'est une fusée. Ça glisse. Et Anso, je tenais juste à te dire. Oui mon chéri. Avant, Marion elle était super bombasse par rapport à toi. Mais alors maintenant, je peux dire que tu la dépasses, mais genre énormément. T'es devenue super bien bombasse. Attends mais alors, je sais pas comment je dois le prendre, mais enfin bon merci pour elle. Hein. Nolan, effectivement c'est peut-être un peu méchant pour Marion. C'est pas grave. Mais en tout cas ça me fait plaisir, c'est vraiment gentil ça. Ouais. Il en faut pour tous les goûts, je le prends pas mal du tout. Mais évidemment. Dis-nous, c'est quoi le challenge que t'as relevé toi? Alors moi j'ai mangé 47 saucisses en 10 minutes. Et ça c'est intelligent en plus. Ah ouais. D'accord, et pourquoi tu as fait ça? À quelle occasion? Et ben, c'est une fête dans une petite ville à côté de chez moi. Et puis en fait il y avait ça. Et puis en échange si on gagnait, enfin celui qui avait le meilleur score, et ben ouais, du coup il gagnait un panier, des trucs comme ça. Donc voilà, je me suis éclaté. Je me suis dit autant le faire. Et puis au départ c'est parti d'un délire avec des potes. Et puis au final j'étais le grand vainqueur. Mais tu sais Nolan, j'ai vu un reportage il y a pas très longtemps sur ces concours de bouffe aux États-Unis. C'est devenu des véritables sports, c'est-à-dire que ils sont payés pour faire ça à l'année. C'est comme des athlètes, ils ont des coachs etc. pour manger de la choucroute, des hot-dogs, des steaks, des trucs. Et ils ingurgitent des quantités énormes en étant tout fin. Mais Nolan, t'as pas vomi après? Si, franchement. Mais... si. Forcément. J'ai eu du mal, mais ouais. 47 saucisses en 10 minutes, ça me paraît faisable quand même. Je te dis la vérité, moi je suis sûre que les gars dans les queues. Et Yannick, il me dit oui, Yannick, tu le ferais toi, tranquille. Franchement, ouais. Ouais, bah écoute, non. Me chauffe pas parce que je peux t'amener 50 saucisses. Hein. Ah, alors, je mets mon veto parce que Yannick est aussi appelé vomito dans l'équipe. Ah, et moi, il est hors de question de le voir encore. T'as raison. Le gars nous a tapé une galette il y a quelques jours dans le bureau. Ouais. On la sent encore. Voilà. Donc non, les saucisses, on oublie. Voilà. Mais Nolan, en tout cas, félicitations. T'es le seul mec qui se marre d'avoir vomi. Donc rien que pour ça, on t'embrasse. Bisous les filles. Bisous, à bientôt. Ciao. Pépère. Ouais. Je te sens bien ce soir, je sens que t'as la vanne. T'as la vanne qui fuse, oui, dis-moi. Oui. Bah Pépère aussi, il a déjà fait son calcul challenge. Hein. D'accord, et tu calcules bien toi Pépère? Bah oui, moi je calcule toujours combien de centimètres j'arrive à mettre dans les fesses de Yannick Gustanda. Et d'ailleurs, je peux vous dire, hashtag record battu sur Twitter. Excuse-moi Pépère, il a rien demandé Yannick. Hein. Comment? Il a rien demandé Yannick. Bah si, regardez, Yannick. Allez. Ah, d'accord. Merci Pépère. Arrêtons l'impro avec lui. Oui, c'est vrai. Enzo ou Pépère, arrêtons l'impro. Non, moi, c'était pas de l'impro. Hein. Franchement, il est magnifique. Restez avec nous. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et puis pour le son tout de suite, DJ Snake avec Justin Bieber. On écoute Let Me Love You sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à minuit. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's Snake à l'instant sur Fun Radio. Snake, forcément, il est nommé au Fun Radio DJ Award. Ce sera du 19 au 23 octobre du côté d'Amsterdam. Catégorie meilleur DJ français. On vote pour Snake. Franchement, on l'a rencontré, c'est quand même un beurre. Oui, moi j'ai lui en chouchou et j'ai Kungs aussi. Je l'adore en révélation française. Ouais, donc si vous voulez voter, vous vous rendez dès maintenant sur partyfun.fr. Calvin Harris en DJ international. Moi je vote pour lui tous les jours. Ouais. En fait, on vote pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est-à-dire que nous sommes l'ami des DJ. Nous voulons des trophées. Pour les DJ, il pleut des trophées. Pourquoi tu m'appelles ? J'ai pas appelé que tu m'emmerdes là. Moi j'ai pas appelé monsieur. J'ai appelé personne putain qui se fait chier. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et cette semaine on vous offre vos t-shirts Monsieur T-shirt. On adore cette marque, ça avait cartonné la semaine où on l'avait fait. Donc allez-y, inscrivez-vous Marion et Anne-Sor @funradio.fr. Il y a un pack avec plein de t-shirts, c'est sympa. Ah ouais non mais Pierre, c'est totalement fashion. Hein, je dis. C'est hyper tendance. On joue avec Laurine de Paris ce soir. Bonsoir Laurine. Bonsoir Marion, bonsoir Anne-Sor, ça va ? Oui. Ça va et toi ? Bah écoutez, ça va super. Bon, présente-toi ma belle, tu appelles d'où ? En fait, pas de Paris, j'appelle du nord de la France, de la Seine-Maritime. Mais comme c'est un peu paumé, bah, on a dit Paris. Ah d'accord. Et pourquoi t'as cru qu'on n'allait pas connaître la Seine-Maritime ? Bah je sais pas trop hein. Bah et quand même, et puis tu sais, tous les gens de toutes les régions de France sont les bienvenus à l'antenne hein. Exactement, il s'appelle comment ton village ? Dieppe. Ah bah Dieppe, quand même. Ah oui, quand même. Prends-nous pour une teubée. Je me suis dit, le Havre, vous allez peut-être pas connaître. Je dis pas, quand on dit Paris, pas non. Bon, Laurine, tu veux jouer contre qui ou pourquoi tu m'appelles ? Eh bien, Anso. Okay. Ok. Pas de souci. Est-ce qu'on la laisse commencer ? Ouais, bah comme vous voulez. Bon, eh bien écoute, si c'est comme je veux, tu vas commencer, Anso. Le handicap pour toi ? Alors, il est visuel, mais je pense que ça peut aussi s'entendre à la radio. On va le filmer de toute façon. Ouais. Tu vas devoir faire le pourquoi tu m'appelles en courant. Genre un petit jogging, ce qui, à mon avis, va très vite t'essouffler et donc devrait être drôle. Mais tu sais que je me suis mise au footing, hein. Tu serais... Je sais, bah, je le vois, tu t'affines de jour en jour. Tu serais surprise de mon endurance. 4 minutes, les gars. Bon, bah là, tu cours vraiment. Hein. Laurine, je me lance, hein, bouge pas. On y va, on appelle quelque part en France. Allez, bonne chance. C'est... J'espère qu'on va tomber sur quelqu'un de Dieppe. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles ? Qui ? Bah moi, mon téléphone vient de sonner. Donc j'aimerais savoir pourquoi tu m'appelles. Moi j'appelle personne, vous rigolez ou quoi ? Ah bon, parce que ça m'arrange pas des masses là. Hein. Vous entendez bien, j'étais en train de faire mes footings. Je sais pas comment je vous appeler, surtout que le téléphone n'était pas dans la même pièce que moi. Ah bah moi, il était sur moi mon téléphone, monsieur. J'ai quand même pas halluciné. Peut-être oh, que... bonsoir, au revoir. Hein ? Non, non mais monsieur, je suis au kilomètre 400 là. Me lâchez pas, monsieur. De quoi ? Je suis au kilomètre 400 là. Dites-moi juste pourquoi vous m'appelez. Monsieur, vous avez rien d'autre à faire, sans déconner. Bah écoutez, vous m'appelez le soir, moi je fais mon footing. Oui, bien sûr. Alors dites-moi donc. Eh, moi aussi je fais mon footing. Ah bah ça s'entend pas, comment vous faites ? Hein, comment je fais ? Bah oui, comment vous faites pour pas être essoufflé ? Eh bah l'entraînement tout simplement. Hein. Ah bah dites-moi, bah, vous avez qu'à me prendre pour une conne aussi. Bon, allez. Allez. Allô ? Ah, c'était génial. Je me suis fait hyper mal à la main. Et t'es vraiment essoufflé, hein ? Ah ouais, attends, vous avez vu ou pas ? J'ai tout donné. Alors, combien de temps elle a fait ? On a fait 1 minute et 2 secondes, là. Comment ça va, quand même ? 1 minute de course. Remets-toi. 1 minute. 1 minute de course, Laurine. Elle est à deux doigts d'avoir un point de côté et tout, la meuf. Je suis pas bien, les gars. Ravitaillement qu'on m'apporte de l'eau et du sucre. Bon, hey, normalement, c'est jouable. Tu peux le faire, d'accord ? Oui. Allez, on appelle au hasard en France. Toi, t'y vas à la cool. Joue de ta jolie voix. Si c'est un mec, essaie de le tenir. Ça va le faire. D'accord. Bonne chance, petite femme. Non, évidemment, je vais bien. Comédienne. Oui, allô ? Allô ? Oui, c'est qui ? Pourquoi tu m'appelles ? Pourquoi je t'appelle ? Bah oui, mon téléphone vient de sonner, en numéro masqué en plus. Pourquoi tu m'appelles ? Sûrement pas, non ? Bah, mais il y a un problème avec ton téléphone alors, hein, parce que là... C'est vous qui m'avez appelé juste maintenant, là. C'est moi qui viens de décrocher. Ah non, pas du tout, j'étais en train de regarder une petite série là, sur mon ordinateur et d'un coup mon téléphone sonne, numéro masqué, je me suis dit jamais, c'est peut-être un proche. Non, là je regrette, c'est mon téléphone qui vient de sonner, là il y a quelque chose qui va pas. Hein. Bah comment ça se fait ? Vous êtes chez un opérateur spécial ? Je sais pas, je comprends pas. Moi aussi ça m'a sonné là et puis je décroche et vous me dites ça, donc il y a un problème là. Oh, c'est bizarre. Vous avez pas un téléphone nouveau ? Parce que parfois, ça arrive sur les nouveaux téléphones. Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Pas du tout. Et c'est des coques d'iPhone ou autre téléphone ? Non, non, c'est juste un petit téléphone comme ça de mon fils en plus. Ah d'accord, bah je suis peut-être intéressée, j'ai un petit frère, donc si jamais, voilà, c'est quoi comme téléphone? Comme ça on fait connaissance un petit peu, hein, que vous m'avez appelé, donc voilà. Mais en fait, c'est un téléphone comme ça, juste, je sais même pas la marque que c'est. D'accord, bah écoutez, bah la prochaine fois, je sais pas, essayez de me rappeler, mais plus tôt quoi. Vu que tu m'appelles comme ça, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà quoi, c'est gentil quand même. Hein. Non, mais enfin, je vous dis que c'est pas moi qui a appelé, je m'excuse, mais que votre téléphone a sonné, mais franchement, c'est pas moi. D'accord, non, mais bah écoutez, pourquoi tu m'appelles, voilà, hein, si tu m'as appelé, voilà, donc je me demande pourquoi tu m'appelles, donc voilà, hein, c'est la question sera sans réponse, je suppose, mais vraiment, pourquoi tu m'appelles, en fait? Mais si tu veux qu'on bavarde, je voudrais savoir pourquoi tu m'appelles, en fait, j'ai besoin de savoir, moi. Ben, moi aussi, je voudrais savoir pourquoi que mon téléphone a sonné, j'ai décroché, tu me dis ça, donc je sais pas. Pourtant, c'est le mien qui a sonné, pas le vôtre, hein, pas le tien non plus, hein, pourquoi Laurine, tu m'appelles, moi, Laurine, la personne s'en est allée. Ça y est. Elle l'a bien tenu, franchement, elle a bien joué le coup du téléphone et tout, c'était bien. Trop bien, Laurine, bravo. Combien de temps elle a fait, Thibault, à l'arrière? 1 minute 40. Ah hey, c'est gagné. Ouais. Lolo. Merci. Et bravo Ririne. Tu repars avec ton pack Monsieur T-shirt. Et voilà, on te félicite. Tu rejoues avec nous quand tu veux. Pas de soucis, bah, merci beaucoup les filles. Et merci vraiment d'être là le soir. Ah, et bien, merci à toi d'être toi Laurine. On t'embrasse très fort ma belle. Bisous. Bisous. Dans un instant sur Fun Radio, il va falloir qu'on vienne en aide à Karim. Oh, formidable. Karim a 18 ans, il a un souci, sa meuf ne l'excite plus. Ah bah c'est un sacré problème. Ouais, parce qu'il me semble jeune quand même pour avoir ce genre de problème. Au bout de 20 ans de mariage, je peux comprendre et encore. Alors moi ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai une explication. Ah bon? Est-ce que t'as des solutions surtout? Alors non, par contre non. Eh ben moi j'en ai trouvé pour toi mon Karim. Bouge pas, on revient dans un instant, on va t'expliquer tout ça. 01 42 48 5000, si vous aussi vous avez des petites pannes comme ça d'excitation, appelez-nous, ça va le rassurer. On en parle juste après Sib sur Fun Radio. Breathe, ça veut dire quoi Anso? Ça veut dire respire, oui. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Da, da, da. Don't drown your heart, baby. Just wait, don't drown your heart. 23h11, c'est Marion et Anne sur le Night Show. On est en direct comme chaque soir du dimanche au jeudi. C'est un vrai kiff, on est aussi sur YouTube. Marion et Anne, ça grimpe, on arrive aux 120 000. C'est énorme, j'ai envie de fêter les 200 000 cette année, moi. Bah, moi aussi, j'aimerais bien. Déjà, pour l'instant, d'après mes stats, on est bon pour les 200 000 en juin. Mais on devait pas faire un truc pour les 100 000, un truc spécial, je sais pas, Amir. Tu nous avais pas vendu un petit truc dans le genre? Écoutez, les filles. Regarde, le politicien. Sachez. Bah, non, mais écoutez, voilà, oui. En tant que producteur de cette émission, je suis en train de préparer quelque chose. D'accord, à propos des 100 000. Alors Enzo, il est en train de faire des vues sur notre chaîne YouTube là. Tu sais que tu peux couper le son, t'as... Ah, c'est ça qu'on entend. Je vais partager aux auditeurs en même temps. Enzo, il est chez lui hein. Désolé. D'accord, donc tu promets on va faire quelque chose pour les 100 000. D'accord, faudrait que ça arrive vite hein. Je vous promets qu'on fera... On va peut-être fêter les 100 000 pour les 200 000, je sais pas. On a... D'accord. Ça peut être une belle vanne, mais on va essayer un truc. Jean-Michel en fume. Bonsoir. Bon, en tout bonsoir cas, madame. J'espère que vous êtes prêts à aider Karim qui est avec nous de Lyon. Bonsoir Karim. Bonsoir Marion, bonsoir Enzo. Bonsoir. Ça va Karim? Karim, bonsoir. Ça va et vous? Bah oui, très bien, on parlait de toi il y a deux minutes, là, t'as 18 ans toi. C'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie déjà? Ça fait 2 ans. D'accord, bah bravo déjà, bien, parce bien. Que 16 ans, 18 ans, c'est bien d'avoir des relations longues comme ça. Ouais. Oui. Bravo. Et donc tout se passe bien, à part au niveau du cul? Ouais, on va dire que ces derniers temps, c'était pas top quoi. C'est, je sais pas, j'y arrive plus, il y a plus trop d'excitation, c'est compliqué quoi. D'accord, et c'est venu d'un coup, genre, tu te dis, elle t'excite moins? Bah ouais, c'est, je sais pas, il y a moins le feeling, il y a moins de passion, il y a quelque chose en moins, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'elle elle t'excite plus physiquement, ou c'est quoi? Bah c'est peut-être avoir envie de renouveau, peut-être bah oui. Trop de routine, ou je sais pas. Mais ça arrive, tu sais déjà, t'es très jeune, donc je pense qu'à ton âge, t'as des tentations un peu partout. Enfin, il y en a à tout âge. Mais là, j'imagine que t'as pas eu énormément de filles avant. Non. Du coup, t'as peut-être aussi envie de voir ce que ça donne, je peux comprendre. Après, tu es fou amoureux d'elle, on est d'accord? Ah oui, oui, c'est d'accord. Clair que niveau des sentiments, ça bouge pas, mais c'est vrai que c'est vraiment côté sexuel, y a un truc qui cloche quoi. Mais c'est important parce que parfois la baisse de libido peut être liée à la baisse de sentiments. Quand tu as moins envie de ton mec, ça peut vouloir dire que tu aimes moins ton mec par exemple. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, moi Karim, ça m'est arrivé, c'est parce que j'étais plus amoureuse de lui en fait, donc du coup j'arrivais plus à faire l'amour avec lui et donc du coup bah, ça s'est arrêté en fait. Mais alors comment t'expliques ça? Parce que toi par exemple tu arrives à faire l'amour avec des mecs pour qui tu n'as pas de sentiments. Oui. Le monde, tu vois ce que je veux dire, on y arrive. Donc là pourquoi t'as ce blocage? Je veux dire, si t'as moins de sentiments, tu vois ce que je veux dire? Bah parce qu'en fait je crois que ça faisait déjà hyper longtemps, enfin tu vois, ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble, alors quand t'aimes plus la personne, il y a un dégoût. Il y a une espèce de dégoût, il y a une espèce de truc où t'as plus envie que la personne te touche, alors que d'autres personnes que tu connais peut-être pas, ça te dérangeait pas, tu vois ce que je veux dire? Comme il disait Karim, le renouveau, mais là on est bien parce qu'il y a pas de dégoût, il y a pas de baisse de sentiment, c'est juste que ça fait 2 ans, à mon avis vous êtes un peu entassés là. Il faut être les papis, je pense, il faut renouveler tout ça. C'est ça, il faut des nouvelles expériences. Mais Karim, j'ai une question. Est-ce que j'imagine que tu fais partie d'un groupe de potes. Est-ce que eux, ils sont maqués ou pas? Bah ouais, il y en a pas mal quand même qui ont des copines, quoi, des gens. Parce que ça peut arriver aussi. Parfois, tu vois tes potes qui vont papillonner à droite à gauche, puis tu te dis, ah moi, je suis avec ma nana, donc je m'autorise pas à être infidèle, et donc du coup, bah rentre dans une frustration qui fait que t'as plus envie de ta copine. Ce qui n'enlève pas les sentiments, d'ailleurs. C'est vrai. Non, c'est sûr. J'ai une question, je vais pas rentrer dans ta vie personnelle, t'inquiète pas, j'ai pas envie que tu te dévoiles complètement ce soir, mais est-ce que par exemple, est-ce qu'elle est libérée? Est-ce qu'elle ose tout faire? Est-ce que si t'as envie de tenter une nouvelle expérience, une nouvelle position, elle te dit ok? Ou est-ce qu'elle est un peu coinceau, c'est moyen? Oh, elle est un peu des fois sur la réserve, mais je pense que par rapport peut-être à d'autres, j'ai pas trop à me plaindre. D'accord, mais toi, tu te sens pas frustré? Il y a pas des choses que t'aurais envie de faire, de tester, parce que t'es jeune et que t'as l'âge de tester aussi, tu vois? Il y a pas des choses et du coup, tu te freines par rapport à elle et du coup, peut-être que ça joue, tu vois? Bah non, je pense pas. On reste assez ouverte d'esprit après, voilà quoi. Les garçons dans l'équipe, parce que ça vous concerne là, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une baisse de désir pour votre meuf ou votre ex, Amir? T'as un souvenir de ça ou pas? Une baisse de désir, il y a toujours des périodes où t'as moins envie que d'autres. Par exemple, en été, on est tout chaud. Ouais. Et puis, arrivé en hiver, bah, forcément, t'es moins emballé. Mais par contre, une baisse de désir envers une personne, enfin, envers ma meuf, non, pas spécialement. Ou genre, j'ai vraiment plus envie, non, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Ou alors là, il faut la quitter, il faut se barrer. Ouais. Tu Thibaut. Ouais, moi c'est pareil, je me dis que genre si ça arrive rien qu'une seule fois, ça veut dire que c'est la fin de l'histoire et genre faut tout stopper. Si. Mais non, pas du tout. T'as plein de phases dans ta vie où t'as moins envie, où voilà, il y a la routine qui s'installe, il y a la télé, il y a plein de trucs, il y a la fatigue, tu fais moins l'amour, t'as moins envie de l'autre parce que tu fais moins d'efforts pour séduire l'autre et c'est pas pour ça que tu l'aimes plus. Ouais. Je suis assez d'accord avec Marion, faut se battre un peu, tu vois. Parce mais évidemment. Que dès la première baisse de libido, arrêter l'histoire, c'est quand même un peu facile, quoi, je trouve. Ouais, mais oui. Faut en parler. Hein. Franchement, ouais. Si t'en parles avec ta meuf ou ton mec, oui, bien sûr. Importe, ça peut la vexer, attention. Bah, ça peut la vexer de lui dire j'ai moins envie de toi, machin, c'est dur à entendre pour une fille. Ouais. C'est pas j'ai moins envie de toi, c'est en ce moment j'ai pas trop envie. Donc je t'en parle parce que j'aimerais que tu. Pour une fille et pour un garçon aussi, hein, c'est pas facile à entendre. Ouais, je trouve que c'est un peu délicat à aborder, mais enfin pourquoi pas, en plus ils sont jeunes. Moi j'ai d'autres solutions, je t'en ai trouvé. D'accord ? Ok. Appelez-nous là, 01 42 48 5000 si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez fait pour casser la routine. Avec Anso, on a bossé. Ouais. Moi j'aime bien, alors il y a plusieurs trucs, mais il est jeune, donc je peux pas, parce qu'il y a le premier conseil, en général, faut changer d'endroit. Quand t'es un peu un couple, que tu gagnes ta vie, tout ça, tu te payes une chambre d'hôtel ou un endroit insolite, direct, ça ravive le truc. Après, tu peux aussi le faire, Karim, dans des endroits insolites, sans te faire griller, évidemment, parce que c'est interdit de faire l'amour dans la rue. Oui. Mais tu peux aussi commencer à te chauffer. Non, mais tu vois, sans forcément faire l'amour, tu vas aussi avec ta copine, tu commences à te chauffer, tu vois, c'est un peu l'interdit, ça peut exciter, tu vois. Ah, ok, ouais. Non, mais vraiment, c'est hyper important. Essaye, tu verras, l'interdit, ça excite à mort. Donc, essaye, comme a dit Anso, le ciné ou autre, ok? Ok. Est-ce que tu l'embrasses bien? Est-ce que vous avez pris l'habitude de vous embrasser vraiment, rouler des grosses pelles et tout? Ou c'est le petit smack d'usage et basta? Non, bah après, c'est pendant les rapports, généralement, c'est quand même des petits roulages de pelles. Ouais, des petits roulages c'est bien, de pelles, quoi. Mais il faut le faire avant aussi. Tu peux, en pleine journée, lui rouler une grosse pelle, c'est excitant pour les deux. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas s'habituer au smack, quoi. Tu vois, Karim, tu la plaques contre un mur et tu lui roules une pelle sans aller forcément plus loin. Mais juste, en fait, ça va lui montrer que tu la désires tellement fort que elle, peut-être qu'aussi, c'est ça, ça va peut-être aussi raviver sa flamme à elle. De désir sauvage. Exactement, Karim, t'as tout compris. Essayez les jeux de rôle. Alors moi, je vais te dire la vérité, je suis pas du tout fan de ce délire. Moi non plus. Hein. Pas du tout, mais je sais que ça marche chez certaines personnes. Non. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, un métier, tout ça, pourquoi pas. Genre, bonjour, c'est le plombier. Je vous débouche le tuyau. Alors moi, ça m'excite, mais pas deux secondes. Zéro. Utiliser des accessoires coquins, ça, je te trouve un peu jeune aussi pour la jouer 50 nuances de graines. Enfin, pourquoi pas. Le petit fouet. Ouais, le petit sextoy, le truc, mais vraiment, je te le conseille pas non plus. Le marteau. En revanche, celui-là, je te le conseille à mort. C'est tout simple. Massez-vous. Tu lui organises un massage et toi-même, tu vas voir, ça va t'exciter de la masser. Lumière tamisée, petite bougie, musique au calme. Tu prends de l'huile et tu la masses de partout. Les fesses, tu vois, le buste, la totale. Les huiles comestibles en plus, comme ça après. Ouais, ça pas bête. Ouais, par contre, pas d'huile d'olive, hein, Karim, parce que ça pue. Hein. Ouais, franchement, ça c'est une super idée. Hein. Parce que le massage, franchement, c'est rare de rester insensible à un massage en général, t'as envie après quoi. Ah, ça chauffe. Ah bah oui, ça chauffe. Ah oui, ça chauffe. Adepte du massage. Ah bah ça y est, là je suis. Genre... Team massage. utiliser des bons, ça je trouve ça mignon. Tu peux lui offrir des bons pour la Saint-Valentin ou autre, bons pour un massage érotique, bons pour une fellation. Tout ça, ça peut aussi casser la routine. Ah, c'est pas mal, bon pour un câlin, c'est mignon. Voilà. Et puis, dernier conseil, bousculez vos habitudes au réveil. Le sexe au réveil, est-ce que tu as déjà essayé? Oui, on a déjà fait. Et alors? Bah, c'est toujours sympathique de commencer la journée comme ça. Ouais, bah tu vois. Bah, c'est horrible. Il essaye quand même des trucs. Bah, oui, toi t'aimes pas, mais il y a plein de gens qui en ont rien à foutre. Franchement, dès le matin et tout. T'as transpiré, tu pues. Oui, Yannick, au standard. Il peut aussi installer des miroirs au plafond. Non mais excuse-moi DSK. Non. Mais non. Il a 18 ans. Alors ainsi que tu fais installer dans une pièce une salle avec des clous. Bah non, Yannick, non. Mais en plus ça excite pas les gens de se voir faire l'amour. Bah, non. Tu la vois différemment. Ouais, bah, non, moi je suis pas fan, mais enfin pourquoi pas si ça marche sur Yannick. Non mais Yannick, c'est le Rocco Siffredi de cette équipe. Non, par contre, conseil un peu plus 2.0, un peu plus pour ton âge, c'est 2.0. Est-ce que tu communiques avec elle par des SMS, des petits messages MP un peu chauds, tout ça? Sans plus. Bah ça c'est bien. Ouais, tu devrais le faire. Parce que recevoir un message chaud comme ça dans la journée, c'est hyper agréable. Par exemple, un truc tout simple, Karim, tu lui envoies juste 14h42, très envie de toi. Ouais. Tu vois? Après, là, c'est elle que ça va exciter. Lui, il a envie d'être excité, lui, tu vois. Ouais, mais c'est excitant de l'imaginer lire le message et de savoir dans quel état elle peut être. C'est vrai. Et de savoir que vous n'allez pas vous retrouver avant le soir et de pouvoir rien faire. Tu vois, c'est pas mal ça. Tout à fait. Hein? Ok. Bon, là, on t'a donné quand même. Franchement, on a taffé. on est pas mal. Surtout, on retiendra bien sûr les miroirs hein, de Yannick. Je crois que c'est le meilleur. Ouais. Bon, Karim, on a du monde pour toi au standard qui a du conseil. Léa de Perpignan, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, Karim. Bonsoir à toi. Ça va, Léa? Ça va très bien, oui. Alors, quel conseil tu pourrais lui donner? Est-ce que toi, déjà, ça t'est arrivé comme ça de ne plus être excité par ton mec? Oui, ça m'est arrivé. Alors, comment t'as fait? En fait, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques années, il y avait, comme Karim, une routine qui s'était installée. Et du coup, il faisait moins attention à moi. Donc, comme vous en parliez tout à l'heure, il me massait moins, il me faisait pas plus trop de bisous. C'était une grosse routine, quoi. Du coup, je lui en ai parlé. Mmh. Et je lui ai dit que j'étais pas très, très à l'aise. J'avais l'impression qu'on était plus amis qu'autre chose. Et du coup, il a fait beaucoup d'efforts pour me surprendre. Et donc, il m'a envoyé des fleurs, il m'a envoyé des messages de temps en temps, comme ça, comme disait Anso, une plaque est contre un mur, juste il m'embrassait. C'était d'ailleurs très très excitant. Mais parfois, il faut juste un déclic comme ça. Hein. Parfois, ils ne s'en rendent pas compte. Ouais. Juste en parlant et en expliquant les choses, la personne, elle se réveille. Hein. Ouais. Du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. On essaye chacun de faire des efforts de notre côté, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes. Mais c'est ça, voilà. En plus, c'est très vrai ce que tu dis, Léa. Et Karim, tu vois, tu devrais t'en inspirer parce que là, pour le coup, toi, tu as besoin de conseils pour retrouver du désir pour ta copine. Mais en fait, en faisant ces petites attentions-là pour elle, comme ça va l'exciter, je pense que ça va te réexciter aussi. Tu vois? C'est un cercle vertueux, si je puis dire. C'est ça. Merci, Léa, de nous avoir appelés. C'était des bons conseils. Bah, je vous en prie, je vous fais des gros bisous. On t'embrasse, petite femme qui aime se faire plaquer contre le mur. Bisous. Il y a Florent aussi de Nantes qui est avec nous. Tellement réducteur. Bonsoir Florent. Non mais c'est surtout le surnom le plus long de la planète. Ouais. Bonsoir Florent. Salut tout le monde. Ça va Karim. Allô. Bien. Alors raconte-nous, est-ce qu'à Nantes on a eu une baisse de libido comme ça? Ben oui, j'avoue, effectivement, moi j'ai en fait le souci c'est que j'ai ma femme qui avait pris un petit peu de poids. Ah. Et donc, bah, forcément, la libido, ça a pris un coup aussi, quoi. Donc, j'ai un petit peu moins envie d'elle et autres. Alors, attends, quand tu dis un petit peu de poids, c'est genre 2-3 kilos ou c'est vraiment une grosse prise de poids qui a pu te déranger? Un petit peu plus que 2-3 kilos, quand même. Hein, une petite dizaine de kilos. Non, mais en plus, surtout, Florent, tu me dis si je me trompe, mais souvent ça va de pair. Oui. C'est-à-dire que quand tu commences à te laisser aller, parce que moi je l'ai vécu, tu te laisses aller sur tout. C'est ça. Tu te maquilles moins, tu fais plus attention à tes cheveux, tu fais plus attention à tes mains, tu fais plus attention à rien. Exact. Voilà, ça, tout à fait. Voilà. Donc, bout à bout, forcément, la libido, elle en prend un coup aussi, quoi. Ouais. Pour ça, après, il faut discuter, quoi. Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Mais t'as raison, mais est-ce que c'est pas à toi aussi de la mettre en valeur, de lui redonner confiance, de l'aider dans sa démarche et tout? Parce que c'est facile aussi de dire j'ai plus envie de toi, et tu vois? Complètement, ouais. Je suis d'accord là-dessus. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui a sauvé notre couple, entre guillemets. C'est que, à force de discuter, de dire voilà. Il faut aller de l'avant, tu peux le faire, etc. Enfin, faut pas se laisser abattre, etc. Et bon, forcément, on reprend confiance et elle reprend confiance en soi. Et de là, après, renaît quelque chose, quoi. Et renaît, effectivement, voilà, ce désir et cette libido, quoi. D'accord. Et donc, toi, tu lui dirais quoi à Karim? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui parler? Ben voilà, effectivement, il doit lui parler, il doit l'encourager. Et s'il tient à elle, s'il aime vraiment, s'il a tranquillement sont là encore, il faut y aller, enfin, y croire et rien n'est perdu, quoi. Comment elle s'appelle ta copine, Karim? Lucille. Cécile? Lucille. Lucille. Eh ben, tu l'encourages, comme dit Florent. Allez, Lucille. C'est ça. J'adore. Ça, c'est bien beau et c'est bien sympa et ça va lui donner bien envie. Changer les drapeaux. Bon, et franchement, là, Karim, t'as plein de conseils, t'as plein d'astuces, t'as toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Ok, pas mal de trucs. Après, il y a un truc que j'ai vu dans les comics, je vais peut-être lui demander, c'est faire un piercing à la Amir. Ah, t'as bête. Le piercing, si ça t'excite, pourquoi pas, hein? Ouais. T'aimes bien ce genre de délire? Ouais, j'aime bien. Et puis en plus, sur Amir, ça donne bien, quoi. Mais arrête, tu l'as vu en vidéo, non? Ouais, j'ai vu, ouais. Et tu kiffes? Ça t'allait, mais comme un gant. Mais il y a plein de gens qui disent ça en plus. Non, mais Karim, en plus, en parlant d'Amir, il avait raison, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il faut parler avec ta copine. À partir du moment où vous pouvez parler de tout, c'est bien amené et que tu pèses tes mots, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas trouver une solution si vous vous aimez. Ah non, c'est sûr. et essaye ce qu'on a dit, les massages, ça marche hyper bien, la communication 2.0, les petits SMS, les petits MP, ça marche hyper bien, et plein de trucs comme ça, casse la routine, essaie dans des lieux publics, gentiment de la chauffer, tout ça, ça va le faire, c'est la routine là qui te bloque, c'est pas les sentiments. Ouais, c'est, bon, je pense que c'est ça, c'est de faire trop, toujours la même chose. Karim, attends, tu sais quoi Karim, on va t'encourager avec toute l'équipe là. Allez Karim, allez Karim, allez Karim, allez Karim, allez Karim, allez Karim, allez Karim, allez. Est-ce que t'es pas chauffé à bloc là mon pote? Ah bah je suis chaud et ça me donne envie de dire hein, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Et avant de se faire des bisous Karim, on va demander l'avis de Pépère. Pépère. Ouais ouais. Est-ce que tu peux lui donner un conseil? Est-ce que toi, t'as toujours été excité par mes mères? Comment ça se passe? Bah, Pépé, une fois, et bah, il était plus du tout excité par mes mères, ouais. D'accord, et du coup, comment t'as fait pour raviver la flamme? Bah, Pépé, il a enculé le chien parce qu'il aime quand il la voit. Non, non, ouais, non, ouais, non. Ouais, ouais. Cette vanne de Pépère n'est pas cautionnée par l'équipe du Night Show. Non, pas les animaux. Pas les enfants. Pas la famille, pas les animaux. Bah, pas du pépère, coup, quoi. Je fais quoi? Ouais. Pas pépère, en fait. On me censure? Oui. Moi, on me censure, moi. Je parle de ce que je veux, ok? Si ça dérange, on vient me le dire en face. Bah, on te le dit, pépère. Karim, hein. En tout cas, on t'embrasse, mon poulet. Et surtout, tu nous tiens au courant, d'accord? Ok, pas de soucis. Bisous. Allez, bisous. Bon, d'accord, pépère. Peut-être qu'on te le dira pas en face. Tu peux rester encore un petit peu. Yes. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pokélost qui va débarquer. Si vous voulez jouer avec nous au Pokélost, inscrivez-vous. Ça se passe par mail marion@funradio.fr. Et pour le son tout de suite, c'est qui? C'est Félix Jane. On écoute Bonfire sur Fun Radio. I can hear the whispers about me, about me. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're my eyes and I just breathe, I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. réseaux, soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez. Peut-être que si vous nous connaissez pas, vous savez peut-être pas qu'on a une chaîne YouTube. Ha ! Et ça, ça vous embouche à quoi là d'un coup, hein ? Venez nous rejoindre, en tout cas, il y a toutes les vidéos de l'émission et notamment celle de dimanche soir, l'émission spéciale phobie, où toute l'équipe a surmonté sa phobie. Oh, alors, c'était drôle. Hein. Marion, par exemple, a surmonté sa phobie du lait. Oui, ne cherchez pas, elle est un peu étrange. Mm-hmm. Moi, j'ai surmonté ma phobie des clowns. On a eu les insectes, on a eu les poules, on a eu plein de choses. Et on a de la vidéo qui est dispo sur notre chaîne YouTube, Marion et Anso. Le plus marrant restant Amir et sa peur des aiguilles qui s'est quand même fait percer le nombril, hein, les gars. En fait, dites donc, moi je trouve ça coquet le diamant dans un nombril hein, pour Amir. Hein. Le Poké Lost. Poké Lost. Sur Fun Radio. J'aime beaucoup ce jeu et en plus, il vous permet cette semaine de gagner votre PS4 avec le jeu Lego Dimension. C'est juste énorme. Franchement, allez-y, on s'inscrit Marion et Anso au funradio.fr. Mais tu sais que tu aimes beaucoup ce jeu, mais que ce jeu t'aime aussi, Marion. Merci Anso, je sais. On joue avec Anthony ce soir. Bonsoir Anthony. Salut Marion, salut Anto, salut toute l'équipe. Salut. Ça va Anto ? Ça va, très content d'être là. Eh ben nous aussi ça nous fait plaisir, je te rappelle la règle du Poké Lost, tu dois faire croire à maman ou à papa que tu es perdu en train de jouer à l'application Pokémon Go. D'accord. Ok, c'est qui qu'on piège ce soir ? C'est qui qu'on, d'ailleurs ? C'est moche. Maman. Attends, je leur fais bien, qui est-ce qu'on piège ce soir ? C'est ça, on piège maman. Meuf qui parle pas français. Quoi. Non mais surtout c'est qui con, moi je trouve c'est hyper mignon. Oh non c'est horrible. Oh, t'sais, t'as envie de faire oh non mais c'est trop qui con. Elle s'appelle comment maman? Elle s'appelle Karine. Karine, d'accord. Elle a quel genre de personnalité? Bah c'est assez ardent et puis elle part au quart de tour. En plus elle est policière donc. Ouh là là, c'est assez ardent, ça se dit ça? Je sais pas. Excusez-moi, est-ce que ce soir on nagerait pas en plein délire de la langue française? Alors moi j'ai juste retenu qu'elle était flic quand même. Donc j'espère qu'elle va pas nous causer des problèmes. Bah, non, elle a juste un bon tempérament de feu. Bon, et ben on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu as prévu un scénario? J'ai prévu un petit scénario comme quoi j'allais me promener en voiture tout seul et puis qu'au bout d'un moment, je me suis perdu. D'accord, ouais, simple quoi. Hein. T'es pas foulé. Non mais surtout Anthony. Je suis pas foulé, je sais qu'il en faut pas beaucoup. Pour Anthony, elle. Et surtout faut que tu dises que ta voiture est en panne parce que sinon tu peux rentrer tout seul. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, voilà. Bon. Tu me demandes, hein, sinon pour le scénario, je fais une adaptation. Non, mais ma mère, j'ai déjà eu une fois un accident avec ma voiture, donc vu qu'elle connaît l'état, ça marchera bien l'accident. Allez, on appelle maman, redis-moi son prénom. Karine. Karine. Allez, on appelle Caca. La Caca. La Carinouche. Excusez-moi, j'ai 8 ans d'âge mental. Hein. Je la sens bien. Ouais, moi aussi. La police qu'on embrasse. Hein. Bisous la popo. Arrête. Écoute. Grandis un peu. Oui, maman. Oui. Oui, c'est moi. Oui. Ça va? Oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, rien, savoir comment ta journée se passait et savoir ce que tu faisais. Ouais, alors là, ça pue le gasoil ton truc là. T'es en train de te foutre de ma gueule. Non. Quoi, tu veux me demander un... Bon, non, à peine, je te connais. Allez, vas-y, balance. Qu'est-ce que t'as? Je suis parti jouer à Pokémon Go là tout à l'heure. Ouais. Et j'avais vu des Pokémon, des Rattata et. Ouais, je m'en tape, vas-y, passe à autre chose, accélère. Je suis en panne et je sais pas trop où je suis. Je suis vers Mabli mais je sais pas trop où. Non mais tu te fous de ma gueule là. Non. Tout ça pour tes bonhommes de merde et tes trucs là, t'es con là avec tes... Oh putain mais oh, tu m'énerves mais à un point, je vais craquer en fait, tu sais pas. Non mais faudrait venir me chercher. Ah bah alors là tu te démerdes. Alors non. Là, je t'assure, tu te sors les doigts du cul, tu te démerdes comme tu veux, mais je viens pas te chercher. Tu me fatigues, tu me tapes sur le système. Mais allez maman, s'il te plaît. Putain, mais tu vas m'obliger encore à faire des kilomètres et tout, j'arrête pas de courir depuis tout à l'heure. Tout ça, pourquoi? Pour Pikachu de mes fesses, là. Oui, je suis désolé. Ouais, t'es désolé. Gasoil, c'est... Oh, punaise. Tu vas morceler quand tu vas rentrer à la maison, tu vas morceler. Je vais venir chercher, tu vas morceler. En fait, je vais venir chercher, mais tu vas morceler. Voilà, c'est clair. Ouais. Voilà. Bah, j'arrive, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Comme d'habitude. Voilà. Ouais. Et on savait que ça risquait de gueuler, hein. Ouais. En tout cas, Karine... Sacré tempérament. Elle part au quart de tour. Karine, bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors détendez-vous Karine, tout va bien. Vous êtes en direct sur Fun Radio. La France entière vient d'entendre ce petit coup de sang. Oh, oh putain, mais je vais le bouffer. Non, alors non. Ça c'est cannibale, on n'aime pas. Et c'est puni par la loi. Je vais le ruiner. Il m'a fait quoi? Il me fait passer la radio là en fait. Oui, alors je vous explique. Ça s'appelle le Pokélost. Il devait vous faire croire en fait qu'il était perdu en train de jouer à Pokémon Go. Et l'idée c'est que vous disiez ok, j'arrive, je viens de chercher. Ce que vous avez très bien fait finalement. Finalement, hein. Alors, du coup, on peut dire quoi à l'équipe? Oh bah c'est gagné. Ah oui, on y va. C'est gagné. Bravo. Bravo Karine. Bravo Karine. Et bravo Anthony. Alors grâce à vous Karine, Anthony repart avec sa PS4 et son jeu Lego Dimension. Non, maman, plus je t'adore. Tout ça pour geeker encore, je te jure. Oh non, mais un truc de malade quoi. Non mais vous serez cool du coup avec Anthony, Karine. Je vais être cool avec Anthony. Non, il va juste être privé de bouffe pendant une semaine, mais ça va aller. C'est bon, ouais. C'est pas grave. Pas très légal, ça non plus. Hein. Non. Karine, non, mais y a pas de soucis. J'ai une petite question. Est-ce que on écoute le Night Show et Fun Radio dans la police? Ouais, ça arrive, ouais. Ah bah, il faut que ça arrive très souvent, hein. Ouais. Ouais. Ah bah oui, Karine, on compte sur vous. On compte sur moi, y a pas de soucis. Bon, et ben on vous envoie plein de poutous, Karine. Poutou à la police. Merci. Bisous à toi Anto, merci d'avoir joué avec nous, à très vite. Merci l'équipe, merci beaucoup. T'as remarqué comment elle a essayé de m'enfumer, ça arrive alors que pas du tout je pense. Ouais c'est ça, pitié, le rire de circonstance. Jean Milan. C'est pas grave, maintenant elle nous écoutera. Bon bougez pas puisque dans un instant nous allons enfin parler cul dans cette émission. Et on va se faire un petit jeu. Vous savez on a l'habitude de faire le Dans mon sac j'ai, qui est un jeu de mémoire en fait, on vous expliquera tout. Mais là ce sera un Dans mon sac j'ai spécial sexe. Ouh là là, ça sent le dérapage non? Ça c'est la première chose et on aura aussi Bastien il a un souci, sa meuf s'est endormie en lui faisant une fellation. J'adore. 01 42 48 5000 si vous voulez réagir à tout ça. On en parle juste après celui qui était notre invité hier, c'est Kianso. C'est Pitbull. Oui, avec Florida sur Fun. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gonna live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Dream, I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between, I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I asked for. I got a passport, Mr. International. I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Rally stripes, Cindy 500, bye-bye. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. 23h40, c'est le Night Show. Il faut absolument que je vous parle de mon héros du jour. Il est chinois. J'ai pas son nom, mais alors il a fait un truc, les gars, c'est magnifique. Je vous explique, il voulait faire une demande en mariage à sa chérie. Jusque là, tout va bien. Sauf que, il voulait un moyen original de le faire. Du coup, il a eu la brillante idée d'introduire son pénis dans l'anneau de l'alliance. Mais ce n'est pas une blague. Il a introduit sa tub dans la bague. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'il a dû aller aux urgences. En fait, son sexe a brutalement gonflé. Bah oui. Et il ne pouvait plus retirer l'alliance de son sexe. Mais c'est énorme ou pas? C'est improbable. Mais surtout, t'imagines, la demande pas du tout romantique, quoi. Et est-ce que ce serait pas le premier homme au monde à posséder 3 bijoux de famille? L'humour, je vais la frapper. Non, non, non. Arrête, c'est pas possible de faire des blagues comme ça. Babber, ah, excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher. Je te la prends quand même. Merci Babber. Mais bon, on l'embrasse ce chinois quand même. Ça a dû être hyper humiliant pour lui, le pauvre, d'aller aux urgences et bah tout. Bah oui, mais en même temps, quelle idée de faire ça. Cela dit, moi je suis restée longtemps avec un mec qui un jour avait mis un nœud, un ruban autour de sa tub. Genre en mode en cadeau. Et alors? Il était resté, il m'avait emmené à Venise. Et arrivé à l'hôtel, il m'avait dit: bon, moi j'ai un peu de surprise, mais j'ai un peu honte. Et il avait enlevé son pantalon et il avait dit: voilà, c'est ma surprise, c'est mon cadeau. J'avais trouvé ça hyper mignon. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble. T'as 35 vies, toi, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Je te jure. Mais c'est mignon. Mais c'est hyper mignon. J'avais 23 ans, on était amoureux, c'était marrant. Bon, puisqu'on parle cul, les amis, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, c'est le Dans mon sac j'ai. Ah, oh, ouais. Le Dans mon sac j'ai, c'est un jeu que vous pouvez faire comme ça avec des potes ou avec la famille. En gros, c'est un truc de mémoire. Moi, je vais commencer, je vais dire Dans mon sac j'ai un objet. Anso va devoir continuer en citant l'objet et en rajoutant un mot et ainsi de suite. Il faut évidemment ne pas oublier des mots et essayer de tenir le plus longtemps possible. Est-ce que vous êtes prêts? On fait que des trucs sur le sexe, ok? D'accord, attention les gars, pas trop trash. Que le sexe? Bah, un truc sexuel. Alors, sachant que si vous êtes trop trash, vous êtes éliminé du jeu. Vous êtes prêts? Ouais. Dans mon sac, j'ai un sextoy. Dans mon sac, j'ai un sextoy et du lubrifiant. Amir. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant et des capotes. Enzo. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes. Ouais. Et un anus. Yannick. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, un anus. Non, oh, raté. T'en as oublié un. Éliminé. Thibaut à l'aréa. Dans mon sac, j'ai un sextoy, des capotes. Non! Non, c'est pas ça. Ah merde. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité et propre. Amir. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité et propre avec des MST. D'accord, bah ça veut rien dire. Qui est pas éliminé encore, Enzo? Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité et propre, des MST et de la cyprine. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité et propre, des MST et de la cyprine. Ça qui a dit? Ouais. Car j'ai envie de ken. Et c'est un beau bordel dans ce sac. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité mais propre, des MST et de la cyprine, car j'ai envie de ken. Oui. Avec papy. Non, éliminé, on a dit rien de trash. Tu dans sors. Mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité propre avec de la cyprine. Non. Non, mais c'est pas de la citrine. Éliminé. La citrine. Non, mais c'est pas ça. T'as oublié quelque chose, Enzo. Dans mon sac, j'ai un sextoy, un lubrifiant, des capotes, un anus irrité, mais propre quand même, avec des MST. Oui. Et de la cyprine. Oui. Car j'ai envie de ken. Oui. Avec Yannick du Standard. Non, c'était avec papy. Non, on l'avait pas compté. Ah d'accord, bon. Dans mon sac, j'ai un sextoy, du lubrifiant, des capotes, un anus irrité mais propre, des MST, de la cyprine, car j'ai envie de ken, avec Yannick du Standard qui a un beau boule. Ah ouais, d'accord. À toi, Enzo. Dans mon sac, j'ai un lubrifiant, des Non. Allez, c'est bon. Marion, elle est indétrônable à ce jeu. J'ai beaucoup de mémoire et j'adore ce jeu. Ouais. Ah, j'aime bien. Par contre, ce sac est quand même bien dégueu. Hein. Excusez-moi de le dire. Mais envoyez-nous vos vidéos. Ce serait cool si nos auditeurs peuvent nous envoyer des vidéos. Ouais, jouez dans mon sac j'ai. On postera vos vidéos là sur les réseaux sociaux. Ça serait chaud, mais bon, en tout cas, restez avec nous. Puisque dans un instant, sur Fun Radio, au 01 42 48 5000, on aura Bastien. Bastien, il lui est arrivé un truc. Bah pas cool, puisque sa meuf s'est endormie en lui faisant une fellation. Ça arrive. Je me demande comment elle s'est pas étouffée. Quand même. Bon, on va en parler avec Bastien dans un instant. Et puis dites-nous, vous, si vous êtes déjà endormi en faisant l'amour. On vient tout de suite sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Hi, I'm Tyler Nash, and this is my song. At least I did it my way. The Weeknd et Daft Punk. Fun. WNW. Sac Noël et Sean Paul. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio Fun. Sur iPhone. Yeah. Fun. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is... le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. Fun. Mais c'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Fun Radio. Le son dance floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a step? Enfants, mettez-leur des boules-quièces, c'est le moment de parler de... de, hein? Parler de quoi? Bah c'est le moment coquinou, quoi. Pas compris. On va parler cul. Ah ouais, d'accord. Dans le Night Show sur Fun Radio. Oui, c'est vrai, c'est l'heure. On va accueillir Bastien dans un instant. Mais avant, j'avais envie qu'on se fasse un petit point réseaux sociaux. Amir, avec le hashtag Le Night Show, est-ce que les gens ont envie de nous parler ce soir? Avec le micro, c'est mieux. J'avais pas ouvert mon micro, sacré micro. Pardon, Concaris, c'est de ma faute. Y a pas de souci, moi, à moi. Concaris, hashtag Le Night Show, c'est une émission de dingue, hashtag Fun Radio. Bah, merci. Serait-il possible de me follow aussi, s'il vous plaît? Oui. Ensuite, Clara La Lune, grâce à vous, chaque soir, je me sens mieux, j'ai le sourire qui revient, je vous aime tant. Oh, c'est mignon, Clara La Lune, comme Blaze. C'est, ouais, c'est mignon. Je vous fais des gros bisous, je vous kiffe. Merci à vous, les filles, vous êtes les meilleures. J'ai découvert cette émission ce soir, c'est un vrai kiff. Ah bah bienvenue. J'ai quitté la concurrence pour vous. Ah bah t'as bien fait, reste avec nous. Bisous. Et bisous à la Suisse, j'ai vu des messages sur les réseaux de certains Suisses. Je pense qu'ils nous écoutent depuis l'appui d'ailleurs. Ouais. Et ça fait plaisir, merci. J'aimerais également embrasser la Birmanie. Bien et on nous suit beaucoup sur les réseaux sociaux, au Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, tout ça là. Je suis parti voir les stats, je vous assure c'est vrai. Ah bah big up à vous les potos. Ouais, gros bisous et les Antilles, on parle jamais assez des Antilles. Non, écoutez, je crois qu'on embrasse le monde entier. Ah, on est diffusé là-bas avec juste 24 heures de retard. Ok. Un bisou à vous. Et bien à demain. Bastien Delance est avec nous. Alors Bastien, je vous le disais, il lui est arrivé quand même un truc cocasse. Oui. Hein, figurez-vous qu'il faisait l'amour à sa copine et elle te faisait une fellation, Bastien. C'est ça, bonsoir. Alors bonsoir les filles. Bonsoir. Déjà, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. On va essayer de la faire un peu plus fun. Est-ce qu'on est content d'être là? Yo. Bon, j'avouerai que ce jour-là, j'étais pas trop content d'être là, moi. Ah, raconte, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu viens de le dire, donc voilà, petite... on va dire, en fait, je suis parti chercher ma copine d'une soirée. Mmh. Elle était partie en soirée et tout, donc je suis parti la chercher, donc voilà, donc tout allait mieux, au mieux dans le meilleur des mondes. Et il se peut que, de son côté, elle a fait un peu plus la fête que moi, parce que moi, j'étais parti bosser. Et donc, il y a eu petit préliminaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis demandé si elle n'avait pas avalé la sucette, quoi. Alors attends, t'es en train de nous dire qu'elle a commencé à te faire une fellation, ça a duré quoi, 2-3 minutes? Oui, voilà, quelques minutes. Et j'ai pas calculé non plus, mais Et après, plus rien, une tête qui tombe sur toi, quoi. Mais c'est-à-dire le filet de bave limite, tu vois. Mais ça peut être dangereux pour elle, non? Parce que pour elle, je ne sais pas, mais pour moi, c'était déjà dangereux, déjà. Pour elle, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que, comment te dire, t'as presque envie de la prendre par les cheveux et de lui remuer la tête, tu vois. Mais arrête, la pauvre. Elle s'est juste endormie. Non, c'est une image. Hein, bah oui, c'est une image. Mais voilà, mais sur le moment, tu t'y attends pas, déjà. Mais ça arrive, Bastien, elle était très fatiguée, je pense qu'elle avait bu. Non, mais t'es sérieux, ça t'est déjà arrivé un jour? Alors, je vais être très honnête, moi non, mais j'ai pas mal de copines à qui ça arrivait, et même pire, de s'endormir pendant qu'elles faisaient l'amour. Alors ça, je comprends pas comment c'est possible. Moi, ça m'est arrivé une fois. Tu t'es endormie. Bah, écoutez, je veux pas vous couper, mais je sais que c'est arrivé à une parente très proche, c'est-à-dire ma maman. Donc, oui, ça arrivait déjà. Mais à ce moment-là, Bastien, juste deux secondes, je te coupe, parce que ta mère t'a dit, tiens, dis donc, mon fils, hier soir, je faisais l'amour avec papa, puis je me suis endormie. On est très on se parle très directement. Donc oui non mais je confirme, hein, j'avoue et sincèrement que je sais que c'est déjà arrivé. D'accord. Donc mais je pense que c'est pas la seule. Si tu donc, permets, mais... Bastien, j'aimerais bien entendre l'histoire d'Anso quand même qui s'est endormie en faisant l'amour. Ça c'est improbable. Mais alors, c'est m'est arrivé une seule fois parce que j'étais avec mon mec et qu'on était sur un marathon du sexe un week-end. Genre on faisait beaucoup l'amour dans la même nuit. Et au bout d'un moment, bah, je suis fatiguée, donc je me suis endormie, tu vois. Ah oui, là, ça se comprend. Il est 4h du mat, ça faisait déjà 3 fois qu'on a fait l'amour. Voilà, oui. Je me suis un peu assoupie, tu vois. Est-ce qu'un mec s'est déjà endormi avec toi, à l'inverse? Non, je ne crois pas. Moi pas non plus. À la limite, avant, parfois, tu commences à te chauffer, et là, bon, bah, on s'endort, on se déchauffe en 2 secondes, mais pendant l'acte, non. Moi, ça m'est déjà arrivé en... Oui, en se chauffant. En se chauffant, c'était la première fois, je pense, qu'on couchait ensemble, on était encore au pré-lit. Et puis je sentais qu'on n'y était pas encore, quoi. Ouais. Et en fait, il faisait noir dans la pièce, on était fatigués. Bah oui, mais ça arrive à tout le monde, je pense. Quand tu commences à te chauffer, parfois t'as la flemme d'aller plus loin. Et la fatigue l'emporte. Mais ouais. C'est vrai que pendant l'acte, par exemple, si tu as l'engin dans la bouche ou les choses comme ça, faut quand même y aller pour s'endormir. Hein. Ouais. Sauf si la fille est bourrée. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je pense que enfin, c'était ça. Avec ça, buvez pas. Bon Bastien, c'est pas bien grave. Ça arrivait une fois, ça fait une anecdote. Honnêtement, ouais. Maintenant vous allez en rigoler. Tu t'en fous. Bah, je sais pas si je m'en fous, mais c'est-à-dire mais que oui. C'est spécial quand même. Mais si, Bastien, attends, vous êtes hyper léger. De toute façon, vous êtes toujours ensemble, t'es amoureux d'elle. Toujours. Eh bon, ben voilà, y a aucun problème, c'est pas grave du tout, Bastien. Non, bah écoutez, les filles, bah, je vous fais des bisous quand même. Bah, bien sûr, nous aussi, on t'embrasse. Et écoute la suite, Bastien, parce qu'a priori, il y a d'autres histoires, t'es pas le seul à avoir vécu ça, ok? Ah bah j'espère bien, ouais, quand même. On t'embrasse. Bisous, Bastien. Allez, gros bisous à vous, les filles. Bisous, Bastien. Et Pépère, je voudrais savoir s'il n'est pas arrivé un truc comme ça, Pépère. Alors, Pépère, est-ce que tu t'es déjà endormi en faisant l'amour ou raconte? Bah, Pépère, il s'est jamais endormi en faisant l'amour. Hein. Non. Ah bah, tout va bien pour toi, alors. Bah oui, mais par contre, Pépère, il a déjà réveillé Papy en mettant sa langue dans son trou de balle. C'est déjà arrivé une fois. D'accord, Pépère, merci. Voilà. Très, très bon, ouais. Ce Pépère. Voilà. J'aurais pas dû, celle-là. Bah, si on t'embrasse, Poussin. Allez, bisous les filles, bisous l'équipe. Et puis, allez, bonne continuation, vous. Salut. Il cherchait une fin. Allez. Attends, peut-être qu'on se redit encore une fois au revoir, Bastien, non? Ben, je veux bien vous redire au revoir, mais je veux au revoir de Pépère, alors. Allez, Pépère, vas-y, parce qu'il est fan de toi. Ouais, bah, Bastien, ouais, je te fais un gros bisou, mon pote, continue comme ça, d'accord? Pépère. Ouais. Tu me feras une dédicace un jour? Bah oui, bah, je te fais une dédicace, Bastien. Allez, on va cesser, là, maintenant. Ouais, maintenant je crois qu'on s'est tout dit, Bastien. Tu pourras dire à ta mère. Allez, gros bisous, tout le monde. Bisous, Bastien, ciao. Bisous, ciao. Merci beaucoup. Bah, j'adore. On avait de la réac ou pas? Ouais, on a Pauline de Quimper qui est avec nous. Salut, Popo. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Ça va, Popo? Bienvenue. Merci, ça va et vous? Ouais, très bien. Alors dis-nous, si tu as appelé, c'est que toi aussi t'as une histoire du genre, tu t'es endormie en faisant quelque chose. Ah bah oui, mais ça, je crois que ça nous arrivera tous un jour. Raconte. Moi, mon copain, il était en train de me faire un cunni malade. Franchement, mais trop le top. Avec orgasme et tout. Et là, il continue avec un massage dans le dos. Et là, c'est le drame. Tu t'es endormie? Je me suis endormie comme une merde. Ah ouais, mais un massage en même temps. Oui, mais en même temps, attends, Pauline, je crois que c'était normal. Il vient de te donner un orgasme. Oui. Il te fait un massage. Bah, c'était fait pour t'endormir, Pauline. Ouais, mais tu vois, il avait l'intention de descendre petit à petit, mais je me suis endormie avant. Ouais, mais ça me choque pas. Ouais, elle aurait pu y aller quand même. En fait, non, pas quand elle dort. Bah, elle est ok, de toute façon. Bah oui, mais quand même. Non, mais t'as quand même envie que la personne ait conscience, non? Elle est inerte, là. Eh oui. N'importe quoi, bien. C'est vrai que c'est pas cool. Bon, et franchement, à mon avis, il l'a bien pris, justement. Il a dû se dire, je l'ai tellement détendue qu'elle est partie, quoi. Après, il s'est mis à rire, et du coup, ça m'a réveillée, et puis on est parti dans un fou rire, parce que ça arrive. Enfin, moi, c'était la première fois que ça m'était arrivé. Et bah voilà. Eh ben, tu vois, comme quoi c'est pas grave, faut pas se vexer dans ces cas-là, on s'en fout franchement. Quand t'es avec ton mec depuis longtemps, quand c'est la première fois tu couches avec, j'avoue, tu t'endors, ça craint. Ouais, c'est un peu chelou, mais là, Pauline, vous avez bien fait, vous en rigolez, et ça crée de la complicité, de la durabilité. Exactement. On t'embrasse, ma Pauline, merci d'avoir appelé. Bon, bisous les filles, je vous adore. Bisous, Popo. Il y a Pierre-Louis aussi à Nancy. Bonsoir, Pierre-Louis. Salut Marion, salut Enzo. Ça va, PL? Ouais, tranquille. Plus facile à dire. Raconte, est-ce que tu t'es endormi toi aussi? Bah ouais, c'était il y a à peu près un mois. On était avec ma copine et du coup, en levrette et je me suis endormi carrément sur son dos. Impossible. Tu t'es endormi en la prenant en levrette, mais alors là, tu devais être raide mort aussi. Hein. Ah mais c'était après une journée de taf, mais j'en pouvais plus et elle m'a pas mal tanné et ouais, du coup je me suis vraiment endormi sur son dos. Pierre-Louis, ça devait être nul parce que globalement quand t'es normalement, même si t'es fatigué... Ouais. Ah bah ouais, là carrément j'ai grave pas assuré, ouais. Bon après ça arrive, mais c'est vrai qu'elle, ça a dû lui faire un poids comme ça sur le dos. L'horreur quoi. Bah bonjour, là... Ça m'aurait depuis un mois, elle tire un peu la gueule et j'ai un peu la pression. Bah, c'est-à-dire que maintenant, elle va avoir une crainte d'une certaine position, quoi. Ouais. Bon, franchement, rattrape-toi. La prochaine fois, tu donnes tout et voilà, ça va bien se passer. Elle va oublier. Il faut arriver à en rire, en fait. Faut que tu dédramatises le truc. Faut que tu lui dises, mais qu'est-ce que j'ai été con ce jour-là, j'ai été mauvais, c'était drôle et tout. Et franchement, s'il n'y a pas de tabou, ça passe. Mais oui. Ouais. On va essayer. T'es notre champion, PL, et puis c'est tout. Ah, PL, bienvenue. Voilà. Allez, mon PL, on t'embrasse. Bisous. Merci beaucoup, bisous. Bisous et bonsoir à celui qui vous ambiance jusqu'à 1h du mat. C'est Adrien Thomas, ça va? Le prochain Salut, Guetta. Les girls. Oui, le prochain Guetta, c'est déjà le Guetta d'ailleurs. Il est comme ça, il avance vers la route du succès. Ça, il court. J'ai pas les cheveux assez longs encore, il va falloir bosser hein, là-dessus. Ouais, beau. T'as le talent en tout cas. Oh, arrête. Adrien Thomas. Oui. Lève la main droite et dis je vais dire la vérité, rien que la vérité. Je lève la main droite et je dis je veux dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu t'es déjà endormi en faisant l'amour ou un préliminaire? Jamais. Mais je m'endors rapidement quand j'ai bu. Ah bah oui, mais comme tout et le monde. Et que donc je fais l'amour et donc dès que j'ai fini, c'est vrai que je m'endors assez rapidement. Mais est-ce que tu t'endors vite après avoir fait l'amour? En général? Ah, en général, non, pas spécialement. Moi, je veux qu'on me laisse tranquille après. Non, bah moi je peux repartir 5 minutes après. Ah, c'est vrai que lui, il y arrive, lui. Ouais, ouais. Et lui, il se barre, il veut pas rester avec la meuf. Mais en revanche, je déteste les gens qui s'endorment ou qui te disent genre « Ah, mais là, je suis fatigué, ça, c'est un truc, ça me gonfle. » C'est pour ça que j'étais énervé tout à l'heure avec l'auditrice, là. Pourquoi ? Bah, parce que, genre, elle s'est endormie alors que... C'est pareil, moi, quand je fais des massages, j'ai pas envie que la personne s'endorme. C'est le but, un massage, c'est pour te détendre, bah, je sais pas. Mais non, mais tu fais un massage, c'est que tu dis pas, tiens, allez, bonne nuit. Bah, c'est vrai qu'il y a deux versions. Il y a le massage qui tend à l'acte sexuel, il y a le massage qui est fait pour dormir. Ouais, faut établir juste les bases avant de t'énerver, là, Adrien. T'établis les bases, là, on dort, là, on fait l'amour. C'est tout. Non, moi j'aime bien le naturel. Je suis pas quelqu'un qui parle. Oh là là, qu'est-ce que t'es compliqué. J'agis, moi. T'es rabat-joie. Bon, Adrien Thomas, le rabat-joie, va vous accompagner jusqu'à 1h du mat pour Party Fun. Mais avant ça, je sais, vous n'êtes pas prêts, mais c'est l'interro surprise. Anso, qu'est-ce que tu as retenu ce soir? Alors, moi, j'ai retenu que j'étais nulle au calcul challenge. Hein. Oui, c'est vrai, on les a reçus tout à l'heure. Les inventeurs du calcul challenge, c'était énorme. La vidéo arrive demain. Enzo, du Standard, qu'est-ce que tu as retenu ce soir? Moi, j'ai retenu que Yannick allait mieux aujourd'hui. Voilà. Oui, d'accord. Pépère, qu'est-ce que tu as retenu ce soir? Bah, Pépère, il a retenu plein de choses dans l'émission. Hein. Ouais, du genre. Bah, il a appris que Amir, son challenge, c'était de prendre du poids. Oui. Et il avait pris du poids dans ses sourcils. Bien joué. Amir, justement, est-ce que tu as retenu quelque chose ce soir? Eh bien oui, j'ai retenu qu'on reçoit Tal jeudi. J'allais y venir, elle sera notre invitée jeudi soir en direct. Tal, Marion et Anso, @funradio.fr si vous avez des questions. Et demain, c'est les Twins, les danseurs qui vont venir nous voir. Ouais, on va se faire un petit délire avec eux là. Donc pareil, si vous êtes fans, si vous avez des questions, ils ont côtoyé toutes les stars eux. Donc allez-y, Marion et Anso, @funradio.fr. Mon petit Thibaut, est-ce que t'as retenu un truc? Ouais, moi j'ai retenu qu'il y avait Tal qui venait demain. Ce soir, on n'a pas beaucoup bossé les gars. Je t'en supplie Yannick, dis-moi un truc vrai, un truc qui va remonter le niveau. Alors moi j'ai retenu que Adrien Thomas ne supportait pas que vous êtes vraiment des arnaques. Hein. Franchement, vous êtes des arnaques, non. C'est un truc de ouf. Non, en vrai, moi j'ai retenu que Yannick du Standard a certainement des miroirs sur son plafond. Oui. Vrai truc, bien joué. Ah ouais. Le gars qui a avec des miroirs au-dessus. Son fantasme, c'est de faire l'amour et qu'il y ait des miroirs au-dessus dans la chambre. Mais pour la retrouver pour voir son cul, surtout. Ouais. Bon, demain, on sera là avec plein de nouvelles anecdotes, ouais. Je vous assure. Yannick va bosser le dossier. Yannick, on veut tout savoir. Tu sais que maintenant, t'es un peu le pervers de l'émission. Hein. Oui, mais malheureusement. Ouais, malheureusement, le gars fait des trucs chelous. C'est pas un peu le pervers, c'est le gros dégueulasse. On sera en direct dès 22h, toutes les vidéos là sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Et évidemment, comme chaque soir, on termine en chanson. Est-ce que vous êtes prêts l'équipe? Ouais. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Pa pa pa pa. Party fun. P A R T Y F F U N A R T Y F U N P A R T Y F U N P A R T Y F U N P A R T Y U N P A R T Y U N P A R T Y U N P A R T Y U N P A R T Y U N P A R T Y U N Party Fun. Bienvenue dans le plus grand club de France. Tous les soirs, minuit, 1h sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas. Et j'espère que ceux qui arrivent... En fait, j'aime bien... J'espère que ceux qui écoutent Party Fun arrivent genre maintenant, pas avant. C'est-à-dire qu'ils gardent quand même ce côté du DJ un peu classe, tout ça, quoi, tu vois. Pas le gars qui se dévoile sur sa c'est life. Mort. Bon, ce soir, je rejoue le nouveau Galantis qui s'appelle Love On Me. Il est excellentissime. Alors effectivement, je suis tombée sous le charme, Adrien. Merci de me l'avoir fait découvrir. Eh bien écoute, je vais le mixer dans quelques minutes hein, donc tu peux rester assise ici même devant moi et guincher à ton aise. Et guincher. Guincher, t'as osé dire. Oh mec, cimetière des mots ça. Et hein. Guincher à ton aise. Guincher. Il y aura aussi un petit Calvin Harris avec My Way. Et puis ouais, je sais, playlist 5 étoiles ce soir. Et puis on démarre avec Sound of Legend et Blue. La version vocale, oui. Excuse-moi, tu serais pas un animateur des années 90, là? Ah ouais, c'est liste 5 étoiles. Allez. And all day and all night and everything he sees is just

On est sur Fun Radio, c'est le nouveau Galantis, ça s'appelle Love on Me. C'est Adrien Thomas jusqu'à 1h du mat. Je vous fais découvrir un petit peu les versions inédites des morceaux que vous connaissez déjà. Par exemple, Alesso avec I Wanna Know. Alors Alesso, il y a une collaboration qui va arriver avec Dylan Francis. Et puis il y a une nouvelle version de I Wanna Know, le morceau qu'il a fait avec Nico Evans. Il est allé chercher une chanteuse taïwanaise qui s'appelle Jolene Tsai. C'est une grosse star dans son pays. Et elle a posé sur le morceau I Wanna Know d'Alesso. Dites-moi ce que vous en pensez avec le hashtag PartyFun. Perso, j'adore. Safe. J'adore ce truc, ça s'appelle Let Me Go. Ça va sortir dans quelques jours sur le label de Don Diablo, Hexagon Records. Il s'appelle Paul Mason et en fait il s'est dit, je vais faire des sons un peu rock, un peu pop comme ça. Et c'est un mini-album, ce qu'on appelle un EP, où il y aura 4 morceaux de Paul Mason, donc sur le label de Don Diablo. Vous pouvez aller suivre la page de Don Diablo et vous verrez si vous avez aimé ce morceau, les autres titres de cet artiste, Paul Mason. Party Fun, on continue avec Calvin Harris dans un instant et un DJ français, Aslove. Put Your Records On, la reprise de Corinne Bailey-Ray. Et ça, ça fait du bien le soir sur Fun Radio. Seem to change, the more they stay the same. Ooh, don't you hesitate, girl. Put your record on, tell me your favorite song. Just go and get it your head now. Stop by her and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go and get it your head now. You're gonna find yourself someday, somehow. Blue as the sky, sunburned and lonely. Sipping tea in a bar on the roadside. Just relax, just relax. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Maybe sometimes we feel the fade, but it's alright. The more you stay the same, things seem to change. Ooh, don't you think it's strange? Girl, put your record on, tell me your favorite song. Just go and get it your head down. Stop by her and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go and get it your head down. You're gonna find yourself someday, somehow. It was more than I could take. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to, girl. Put your records on. Tell